Bonsoir et bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. On va revenir ensemble ce soir sur le Grand Prix de Hongrie qui a eu lieu ce week-end à Budapest sur le Hungaroring. Un Grand Prix remporté par Oscar Piastri qui signe son premier succès en Formule 1 devant Lando Norris et Lewis Hamilton. Alors un Grand Prix forcément marqué par pas mal de polémiques. On a eu de la consigne respectée, de la consigne pas respectée, on a eu des accrochages, on a eu des insultes, on a eu plein de choses, donc on va pouvoir revenir sur beaucoup de choses, sachant que depuis il y a eu aussi pas mal de news. Donc voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses qui se sont produites depuis les deux semaines, on s'est pas vu. Et donc on est deux ce soir pour en parler. Avec moi il y a Franck. Salut Franck, ça va? Salut, ça va et toi? Écoute... Effectivement, il y a de quoi dire ce soir. C'était un Grand Prix de Hongrie pas super intéressant côté piste, on va dire, mais ce côté stratégique, oui, c'est tout ça, ça a été impressionnant. Donc, ouais, franchement, et puis 20 derniers tours un petit peu tendus. Donc, c'est pas mal de choses pour un bon Grand Prix quand même. C'est ça, c'est vrai que ça a été assez tendu. C'est vrai que paradoxalement, le Grand Prix a été pas si agité en piste, il y a eu quand même pas mal de dépassements. Mais on a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées dans les radios. Et effectivement, la FOM, on a totalement usé, abusé, puisqu'on a eu plein de radios. Et c'est vrai qu'on a même pas tout eu, mais on a eu beaucoup de radios. Alors oui, évidemment, on va parler du 200e podium d'Hamilton, on va parler de la situation chez Alpine, on va parler de la situation chez Audi, puisqu'il y a eu aussi des news là-dessus. On va parler de plein de choses, mais on va commencer par deux, trois petites news qui ne sont pas celles du Grand Prix, puisque la FIA avait une commission sportive qui se tenait aujourd'hui. Et qui a rendu quelques petites décisions. Alors c'est vrai qu'on a ça a été fait là il y a deux heures à peu près. Franck, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les petites news qui sont sorties ce soir? Alors la plus importante, je pense que c'était la plus attendue, c'était de savoir si le barème de points allait être étendu, parce qu'il y avait quand même des rumeurs qu'il y a de deux barèmes en fait qui auraient pu voir le jour, un barème pour les 12 premiers d'un Grand Prix, voire même un barème pour les 20, histoire de récompenser un peu tout le monde comme ça se fait en IndyCar. Finalement, pas de consensus entre les équipes, puisqu'on le rappelle, la date du 30 juin est passée, donc il aurait fallu l'unanimité là-dessus. Et donc, on restera donc à des points pour le top 10, donc ce qui est un petit peu dommage, à mon avis, de mon côté. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça aurait été plus sympathique d'avoir un classement qui serait fait plus par les points que par les places obtenues. C'est vrai que c'est toujours un peu plus lisible quand on a les points que par les places. Voilà, c'est pas ce que le chat en pense, que toi t'en penses. Non, moi j'avoue que j'aime bien le système actuel en fait, donc j'avais pas forcément la nécessité d'un changement, on va dire. Je pense que c'est pas mal. C'est vrai que c'est un barème qu'on a maintenant depuis 15 saisons. On a toujours le même nombre de voitures en piste, donc je trouve pas ça trop choquant de garder le même fonctionnement, on va dire. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'était quand même un des gros débats. Alors bon, ça veut pas dire que ce sera pas changé plus tard, hein, parce qu'on sait que la FIA peut réfléchir aussi à ça. Et effectivement, on a eu aussi des nouvelles, donc comme sur les essais hivernaux de 2026. Ouais, alors avant de passer à 2026, il y a quand même une petite chose pour 2025, c'est comme le poids. Oui, c'est vrai. Poids minimum qui remonte de 2 kg, on passe enfin les 800, tout pile. C'était histoire de dire, voilà, on assume les 800 kg. Hein. Donc en fait, non, c'est pas sur la monoplace, ça sera pour le pilote et ses équipements en fait. Donc c'est-à-dire que le pilote aura maintenant une marge de manœuvre à 82 kg au lieu de 80. C'est-à-dire que poids du pilote plus combinaison plus casque plus baquet, tout ça doit faire 82 kg. Donc voilà, c'est pour le bien-être du pilote. Donc la limite était déjà assez haute. Ils l'ont encore remonté un petit peu. Je pense que c'est pour les pilotes de plus grande taille encore. Donc voilà, ce qui nous permet effectivement d'avoir un poids voilà, qui a 82 kg pour tout le monde. Parce qu'on rappelle que pour les plus petits, ben, pour eux, c'est du lest en plus à embarquer pour qu'ils atteignent les 82 kg. On pense notamment à Yuki Tsunoda, notamment, qui est le plus léger du plateau, ou un des plus légers en tout cas. Voilà, qui a pas loin de 20 ou 25 kg de lest, je crois, dans sa RBF1 pour atteindre les 80 kg réglementaires. Donc voilà, c'est une petite décision de la FIA pour le bien-être du pilote. Donc moi, j'aurais peut-être vu plus une décision pour augmenter le refroidissement des pilotes, parce qu'on parle effectivement d'un test de climatisation, entre guillemets, active via des écopes de refroidissement à partir du Pays-Bas. Mais bon, voilà, c'était une petite news qui nous fait dire qu'on va passer à 800 kg pour 2025. Histoire peut-être de dire qu'on va gratter un peu plus de poids pour 2026. Voilà. Donc là, je fais la transition. Donc 2026, on a, bah, les règlements sont repoussés au 17 octobre. Donc ça veut dire que les équipes n'ont pas encore le détail complet, notamment côté déploiement d'énergie, côté gestion moteur et tout ça. C'est surtout ça qui est encore en discussion. La partie châssis, de toute façon, ils ne l'auraient pas eu complètement avant le 1er janvier pour pouvoir commencer à travailler. Donc il y a encore des discussions là-dessus. Voilà. Ça, c'est un peu une surprise, mais bon, en même temps, ils ont effectivement, on n'est pas. Il y a le temps, quoi. C'est ça. Et effectivement, les essais de pré-saison, il y aura quand même 9 journées d'essais. Alors là, pour le coup, ça se comprend totalement. Voiture totalement nouvelle, aérodynamique active, moteur totalement nouveau. On ne peut pas se contenter de trois jours d'essai comme c'est actuellement le cas, avec des monoplaces qui sont ultra connues, avec des moteurs qui sont gelés depuis un bon bout de temps maintenant. Là, il faudra effectivement faire 9 jours d'essai, donc on pourra parier effectivement sur des jours d'essai en Europe, et certainement des jours d'essai à Bahreïn aussi. Donc Barcelone devrait retrouver, je pense, au moins 3 jours d'essai en Espagne l'année prochaine, peut-être 3 jours à Rez, voilà, et puis 3 jours à Bahreïn aussi. C'est vrai que ce serait l'occasion d'aller sur un circuit, ils vont jamais, RRS, Portimao ou autres, qui sont des circuits qui peuvent accueillir des essais. Mais effectivement, après, moi, je pense que 3 jours à Barcelone et 6 jours à Bahreïn peut aussi se faire, hein, de toute façon, ça peut être aussi ça. Après, à voir si d'ici là, ils ne mettront pas en place aussi 3 jours à Melbourne, par exemple, puisque Melbourne lancera la saison à ce moment-là. Mais c'est vrai que oui, en 2022, pour les nouveaux châssis, on avait eu 6 jours d'essais, au lieu des 3 habituels maintenant qu'on a depuis 2021. Et là, c'est vrai que forcément, il y a des moteurs à tester. Et on sait que la dernière fois que de nouveaux moteurs ont été amenés en Formule 1, les premiers essais ont été plutôt chaotiques. Puisque lors des premiers essais, des premières journées d'essais en 2014 avec les nouveaux moteurs hybrides, il y avait eu que 5 voitures qui avaient réussi à tourner. Et dont 3 qui avaient fait un chrono, je crois. Donc c'était vraiment, vraiment une journée très compliquée. Bon, là, ce ne sera pas pareil parce que maintenant, ils maîtrisent un peu plus les moteurs électrifiés. Mais on peut s'attendre à ce que ce soit compliqué. Et non, Lambo Diablo ne sera sûrement pas de 9 jours consécutifs. Ce sera 3 fois 3 jours, très certainement. Clairement, oui. Oui, parce qu'il faut quand même faire des allers-retours en l'usine, donc à voir effectivement quand est-ce que les essais commenceront. Je pense qu'on pourra tabler peut-être sur un mi-fin février et début mars, voilà. Donc on va peut-être dire séparer ça de 2 à 3 semaines. Donc ça va quand même dire une grosse pression quand même pour les équipes, parce qu'on ne sera pas sur des débuts d'essais hivernaux fin février, quoi. On sera peut-être plutôt vers la mi-février. Ça veut dire en termes de calendrier pour sortir d'un monoplace, ça risque d'être assez tendu, sauf si la FIA nous refait un début de saison plutôt vers le 15 mars ou 20 mars, histoire d'accommoder cette première année des règlements 2026. Sachant que s'ils font ça, on aura du coup un calendrier beaucoup plus intense, puisque là on a quand même des moments de on peut souffler, ce sera le cas aussi en 2025, mais une saison de mi-mars, fin mars jusqu'à début décembre, ça a quasi 24 courses là-dedans, ça va faire grosso quand même, hein. C'est ça. Exactement. Donc voilà, je crois qu'il y a eu d'autres nouvelles. Je sais plus du coup si c'est ou c'est à peu près fait le tour. Non, après, effectivement, on me pose beaucoup la question sur New Way. Un New Way, effectivement, d'après les dernières rumeurs, ça serait plutôt d'Aston Martin que de Ferrari. Mais je me méfie beaucoup des rumeurs à ce niveau-là. Même Frédéric Vasseur, il s'en amuse et il ironise un petit peu en disant qu'il a pas mal de noms à 5 lettres. Pour remplacer Enrico Carbillet. Donc voilà. Par contre, lui a annoncé ce soir, et c'est en ligne sur NextGen, que la nouvelle organisation technique de Ferrari serait connue à la rentrée. Alors, à mon avis, pour que ce soit connu à la rentrée, donc de la pause estivale, je ne suis pas certain que New Way aura déjà décidé. Parce qu'il a dit qu'il voulait quand même se décider un peu plus tard, se laisser le temps des vacances. Donc je doute que ce soit une organisation technique autour de New Way qui soit annoncée. Peut-être une organisation technique sans New Way, à laquelle New Way pourrait se rattacher. Mais bon, on est à l'abri de rien. Aston Martin a aligné les bifetons, comme on dit. Puis ils en ont des billets. Ils mettent 100 millions sur 4 ans, apparemment. Et c'est une somme qu'a trouvée absolument inconsidérée Benedetto Vigna chez Ferrari, le grand PDG. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre autant d'argent pour un New Way? J'ai envie de dire, vu les succès de New Way, oui, tu poses pas la question, tu y vas, quoi. Si tu peux l'avoir, tu le fais. Clairement. Au bout d'un moment, voilà, c'est ça, maintenant, c'est la loi du marché, hein, on va dire. Ouais, C'est vraiment ça. Alors, salut chez Compirex qui s'est abonné. Merci à toi. On rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et faire qu'on puisse faire plus de lives. Vous pouvez également nous suivre pour avoir les notifications, même si apparemment, d'après Calabrese qui vient d'arriver dans le chat, les notifications sont un peu en retard parfois. Ça, malheureusement, ça ne dépend pas de nous, mais en tout cas, ça vous permet au moins d'avoir toutes les actus de la chaîne et savoir quand est-ce qu'on fait des émissions. Donc voilà, ça, c'est un petit peu les... C'est un petit peu les news qu'on a eues ce soir qui étaient hors Grand Prix de Hongrie, puisque c'est vrai que là, c'est des choses qui concernent des sujets un peu plus vastes et un peu plus à long terme. On va pouvoir passer au Grand Prix de Hongrie, hein, puisqu'on a quand même beaucoup de choses à dire sur tout ce qui s'est passé dans le week-end. On va commencer avec McLaren qui a signé un doublé, Oscar Piastri devant Lando Norris. L'équipe avait déjà signé le doublé en qualif. Alors c'était la première fois depuis 2012 qu'ils signaient un doublé en qualif. C'était Norris devant Piastri. Petite stat amusante, ils avaient 13 et 11 ans la dernière fois que McLaren avait signé un doublé en qualif. Donc c'était pas tout jeune. Et puis, donc, Lando Norris a raté son départ. Piastri est passé en tête. De là, il a mené toute la course jusqu'aux arrêts. Alors, les deux fois, McLaren a fait rentrer le pilote qui était derrière avant. On sait que ça, c'est toujours quelque chose qui est sujet à controverse. Ferrari l'avait notamment vécu à Singapour 2019 avec un Charles Leclerc très peu content de s'être fait undercut par Sébastien Vettel, et c'est exactement ce qui s'est passé chez McLaren, puisque Norris a profité du premier arrêt pour reprendre un peu de temps et du deuxième pour passer devant, sauf que forcément Piastri n'avait pas du tout mérité de se faire dépasser, et donc l'équipe a ensuite dû négocier avec un Lando Norris pas très content de se faire demander de rendre sa place, sachant que l'écurie n'a pas non plus était très clair sur le fait qu'il fallait qu'il rende sa place, c'était plutôt tu sais ce que tu dois faire, etc. Ça tournait un petit peu autour du pot, et donc s'en sont suivis une vingtaine de tours de négociations, enfin quinzaine, on va dire, de négociations, et puis ça a fini par le faire, mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Alors non, Dave Murray, effectivement, les deux n'étaient pas nés pour Melbourne 98, où McLaren avait déjà foiré la course d'Hakkinen en leur faisant rentrer une fois trop au stand, puis il avait demandé à Coulthard de laisser passer. C'était le dernier exemple le plus proche de ce qui s'est passé ce week-end, mais ils étaient nés ni l'un ni l'autre. Donc toi, Franck, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que McLaren a... Alors, McLaren, évidemment, de toute évidence, s'est créé des problèmes en faisant ça, puisque finalement, ils auraient fait rentrer Piastri en premier, il n'y aurait jamais eu ce souci-là. Donc ça, c'est déjà la première erreur. Est-ce que, à ton avis, ils ont bien fait de réinverser l'ordre? Et est-ce que Norris avait quand même de quoi être frustré d'avoir cet ordre qui lui a tombé dessus? Comment dire, pour raisonner bassement, logiquement, on va dire que McLaren a foiré effectivement son appel. Ils auraient dû appeler Piastri en premier et, comme tu l'as dit, ensuite Norris derrière, et il n'y aurait pas eu du tout cette polémique. Je comprends la volonté de protéger Norris des monoplaces derrière et d'un undercut, puisque effectivement ça a coûté cher à Verstappen, on en parlera tout à l'heure. Mais il n'y avait aucune raison que Norris gagne cette course à la place de Piastri. Piastri s'est imposé au départ en plus. Donc pour moi, consigne tout à fait logique. C'est parce qu'en fait là, c'est clairement c'est McLaren qui choisit son vainqueur en faisant ça. Donc dans ces cas-là, sur des grands coups, l'undercut est si puissant. C'est logiquement le leader qui décide quand il veut rentrer en premier. Et là, on n'a pas laissé du tout le choix à Piastri, puisqu'on a dit, en plus, on a dit à Piastri qu'on faisait rentrer Norris pour le protéger. Donc, il n'y avait pas de tergiversation plus que ça à faire pour moi. Norris devait écouter les consignes et se ranger, effectivement, derrière Piastri, sans faire, effectivement, tout ce mélodrame derrière. Parce que, pour moi, c'est le plus triste dans tout ça, c'est qu'on parle beaucoup plus de la polémique McLaren. On parle beaucoup plus de l'attitude de Norris que de la première victoire de Piastri en Formule 1. Il n'y a qu'à voir les titres, hein, partout dans la presse. Je veux dire, on n'est pas là pendant deux jours à s'extasier de la première victoire de Piastri, que je présentais d'ailleurs. Je l'avais un peu vu venir, mais voilà, tant mieux. Pour moi, je trouve ça hyper dommage, parce qu'en fait, ça met un gros voile sur la victoire de Piastri, qui n'aurait pas eu lieu d'être. Et Norris, il a fait sa tête de con sympathique, on va dire, à refuser jusqu'au tout dernier moment d'inverser les positions. Et il a fallu le déclic de la menace de la voiture de sécurité qui aurait empêché d'inverser les positions pour que Norris s'exécute enfin, parce qu'il l'a dit pendant la conférence de presse, il comptait le faire dans le dernier virage, le dernier tour, à la Barrichello 2002. À la Hamilton 2017 aussi, quand il avait rendu la place à Bottas. Voilà, Donc quelque chose de très dangereux en termes de position. Et je suis désolé, c'est pas le jeu de l'équipe, c'est pas le jeu de l'équipier. Et il a fini par comprendre quand même que cette victoire n'était pas pour lui. Donc voilà, il s'est encore foiré sur un départ. Il n'a pas réussi plus que ça à mettre la pression sur Piastri pendant la course. Derrière, si on favorise Norris sur la stratégie pour se protéger des voitures derrière, c'est pas pour qu'il passe Piastri derrière. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas plus de polémique que ça à voir. La seule polémique, c'est effectivement les 20 tours quasiment que Norris a mis à obtempérer jusqu'à trouver enfin la voie de la raison. Alors moi, je suis pas totalement d'accord. Je vois notamment Étoile Polaire qui dit Norris a rendu abominable la première victoire de Piastri et l'ambiance en cool room le démontre bien. Déjà, l'ambiance en cool room, je pense que Norris a le droit de ne pas comprendre là où veut en venir Hamilton. Je pense qu'il a juste compensé qu'Hamilton savait plus sa voiture que lui. Et en fait, je pense que c'est pas Norris qui a rendu abominable la première victoire de Piastri, c'est McLaren. L'erreur, elle vient de McLaren. Que Norris derrière mette du temps, déjà, si McLaren veut qu'il respecte la consigne, ils lui disent très clairement, de manière beaucoup plus franche, tu rends la position et tu la rends maintenant. Là, on a tourné autour du pot, tu sais ce que t'as à faire, on te fait confiance, tu auras besoin de l'équipe, machin. Je suis désolé, au bout d'un moment, on l'a vu dans l'histoire des consignes, certes, il y a toujours eu des codes. Mais il y a aussi eu des fois où il fallait très clairement donner une consigne. Et là, moi, je trouve pas qu'il a une attitude mauvaise. Honnêtement, je suis désolé. Déjà, il n'a pas une attitude mauvaise parce qu'il a été très élogieux envers McLaren et Piastri juste après la course. Deux, il a plutôt joué le jeu de l'équipe quand même. Et trois, il a même admis que c'était au départ qu'il avait raté la course. Ouais, mais il fait tout ça à froid. Il fait tout ça à froid après... Après, non, ça, il l'a fait au moment de les interviews. Oui, mais à froid, genre, il l'a pas fait pendant le Grand Prix. Pendant le Grand Prix, il est au volant. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu as 80%, 90% des gens qui éteignent la télé après le podium et qui lisent pas toutes les déclarations que tous les fans ici peuvent lire et n'ont pas vu effectivement tout cet état d'esprit. L'état d'esprit qui reste devant 80% des fans de F1 qui ont suivi la course, c'est qu'il a fait ça, effectivement, qu'il a vraiment bravé les consignes d'équipe. Et McLaren, je suis désolé pour toi, mais oui, ils ont peut-être dû être plus clairs et plus insistants, mais tu peux quand même demander des choses poliment, d'autant plus que Stella a expliqué que c'est des choses qui sont discutées, rediscutées et rediscutées à chaque Grand Prix, et que les pilotes savent très bien ce qu'ils doivent faire. Si Norris ne se souvient pas de ce qui lui a encore été redit le matin même au briefing, surtout que sur ce genre de Grand Prix, quand ils partent 1 et 2, il est clairement logique que ce genre de scénario est expliqué. Ils ne s'attendaient certainement pas à devoir discutailler avec leur pilote pendant 15 tours ou 18 tours pour que celui-ci rende sa place. Donc ils l'ont dit gentiment, jusqu'à ce que la pression augmente. Et je pense que ce n'est pas dans la logique de McLaren de hausser le ton, mais au bout d'un moment, ils ont dû le faire. Voilà, ils ont dû dire, voilà, attention, McLaren, c'est une équipe qui est derrière toi pour l'instant, ne te mets pas à dos l'équipe. Et il en a fallu venir aux menaces. Pour que Norris respecte ce que doit être une consigne d'équipe logique. Voilà. Donc, pour moi, je suis désolé, il n'y a pas que McLaren qui est fautif là-dedans, il y a aussi l'attitude de Norris. Moi, je me rappelle d'un Kimi Raikkonen qui avait été loué par tout le monde parce qu'il avait très clairement renvoyé chez son ingénieur en course en lui disant « Si tu veux me donner une consigne, tu me la donnes et si tu veux que je fasse quelque chose, tu me dis ce que je dois faire. » Parce que son ingénieur était exactement pareil, elle louvoyait « On a besoin que tu fasses ci, on a besoin que tu fasses ça, on aurait besoin de temps d'écart, on aurait besoin de ci, on aurait besoin de ça. » Au bout d'un moment, c'est un pilote et je comprends qu'il veuille une consigne claire. Encore une fois, c'est une victoire qui se joue. Norris, peut-être que lui, il a un peu plus d'espoir pour le championnat que McLaren, parce que par moment, McLaren ne croit pas au championnat pilote. Mais alors certes, il y a plus de 3 victoires d'écart entre Norris et Verstappen, mais à la vitesse à laquelle on va dans ce championnat, faut pas oublier que les week-ends sans de Red Bull, ils se multiplient. Au championnat constructeur, il y a plus de 30 points d'écart et globalement, ça se réduit énormément. Donc, il a aussi le droit de vouloir avoir la primauté de ça parce qu'il fait une largement meilleure saison que Piastri. Et en fait, je comprends et je comprends. À ce moment-là, on dit clairement à Piastri, c'est pour le championnat que ça se fait. On joue championnat pilote avec Norris. Mais... Désolé, on te prive de ta victoire. Tu l'auras le jour où Norris ne sera pas derrière toi, il sera troisième. Ouais. Et à ce moment-là, ce sera totalement assumé. Mais ça n'était pas comme ça. Ce que je comprends pas, c'est que les gens sont... Là, je pense qu'il y a un vrai décalage entre ce qu'on voit d'un pilote en course et ce qu'on voit... Parce que, en fait, le truc, c'est que c'est un pilote qui joue la victoire. Et encore une fois, c'est des pilotes qui... Alors oui, c'est vrai que c'est des pilotes qui sont entraînés à avoir des réflexes, à savoir gérer les trucs et tout ça. Mais je pense que... ralentir pour laisser passer un pilote, c'est pas dans leur ADN, et même si c'est leur équipier machin, c'est quelque chose qui leur coûte. Et je pense que le fait qu'il ait attendu un peu, Et oui, mais c'est lui qui a perdu sa victoire à Étoile Polaire, personne n'a dit le contraire, même Norris le dit. Mais encore une fois, il a le droit, se retrouvant en tête par un fait de course, volontaire. Bah, fait de course volontaire, oui, mais c'est une stratégie ratée de McLaren. Ce que je veux dire, c'est que... Et après, peut-être qu'ils ont beaucoup trop... Enfin, peut-être qu'ils n'ont pas assez insisté là-dessus, je ne sais pas, mais... Je veux dire, oui, Norris aurait pu rendre plus vite sa place, mais le fait qu'il ait attendu comme ça, personnellement, ne me choque pas. Et encore une fois, pour moi, ce n'est pas ce qui gâche la victoire de Piastri. Ce qui gâche la victoire de Piastri, c'est que McLaren le fait rentrer derrière alors qu'il est le plus rapide. Et après ça, il n'est même pas le plus rapide. Sur le dernier relais, il a du mal à revenir sur Norris. Donc en fait, Norris prend un écart, puis prend jusqu'à 6 secondes d'avance sur Piastri. Et à ce moment-là... Il y a 3 secondes entre Piastri et la voiture derrière, donc il veut pas juste se mettre en danger. Et en fait, alors certes, encore une fois, c'est des consignes et tout, il doit les respecter, mais McLaren a fait les pires décisions au pire moment pour cette course. Et voilà, et Alcar a raison, ils n'auraient jamais dû undercut 2 fois Piastri. De la première fois où ils undercut Piastri, en un tour, Norris leur prend 3 secondes, 2 secondes et demie. C'était sûr et certain qu'il allait ressortir devant en lui faisant un undercut de 2 tours en plus, qui était totalement débile. Et en fait, pour moi, c'est là où je dis, on ne peut pas en vouloir au pilote qui est dans son cockpit avec ses 180 BPM de battement de cœur en moyenne, et pendant ce temps-là, des stratèges qui sont sur le muret et qui enchaînent les conneries tout en les assumant pas trop. Parce qu'en fait, je suis désolé, ils auraient dans ces cas-là dit à Norris... On a fait une erreur, tu ne devrais pas être en tête, laisse passer Oscar, c'était clair et net. Le problème, c'est qu'ils ont tellement pas voulu assumer leur erreur, qu'ils ont tourné le truc sur Norris, sur Norris, sur Norris, en mode, fais ci, fais ça, et ben non, je suis désolé. Il fallait que le stratège vienne voir Norris et dise, j'ai fait une connerie, je suis navré, par contre, maintenant, c'est la victoire d'Oscar, tu lui rends, et tu lui rends maintenant. Et plutôt que parce que eux aussi, ils attendent en fait 17 tours avant de lui dire, tu lui rends maintenant. S'ils avaient vraiment voulu qu'il rentre directement, ils auraient donné une consigne très claire, et dans ces cas-là, Norris aurait été un con de ne pas le faire. Mais moi, je suis désolé, la gestion de Ferrari est très mauvaise pour moi. Mais Ferrari, j'ai lu Rueda dans le chat, c'est pour ça. De McLaren est très très mauvaise. Ils ont dû la jouer beaucoup plus intelligemment, selon moi, c'est effectivement de réinverser toutes les positions, clairement, et de les laisser se battre sur les 15 derniers tours. Exactement. Il y aurait eu. Ou même de dire, on gèle les positions, tu laisses repasser, tu vois, et enfin. En fait, de dire, bah ouais, on a fait une connerie, mais tout de suite, tu vois, en 98, pour reprendre cet exemple, Hakkinen s'arrête une fois de trop parce que McLaren le fait rentrer alors qu'il n'y a pas de mécano prêt. Il le réarrête derrière et Coulthard, dans la foulée, on lui dit, laisse passer Mika. Et en fait, il laisse passer Mika parce qu'il sait qu'il y a un arrêt en trop. Mais je suis désolé. Après, par exemple, alors, Autriche 2002, certes, Barrichello méritait sa victoire, mais... il met quand même 8 ou 10 tours à obtempérer et il laisse passer dans le dernier virage, et c'est ça qui crée la plus grosse controverse, c'est que c'est dans le dernier virage. Donc, et pourtant on n'a jamais accusé Barrichello d'avoir fait le con, tu vois. Donc ce que je veux dire, c'est que on peut pas en vouloir plus au pilote qu'à l'équipe. Après, Norris, oui, il aurait pu faire mieux, mais encore une fois, c'est un pilote qui vise sa deuxième victoire, qui vise potentiellement le titre mondial aujourd'hui, parce qu'en fait on sait pas, mais les 75 points, ils peuvent très vite se récupérer. Il reste encore 11 courses, ce qui est quand même énorme dans une saison, et le fait de quasiment abandonner l'idée même d'un titre mondial à la mi-saison, c'est pas hyper ambitieux de la part d'une équipe McLaren qui aujourd'hui, parce que là du coup on va en venir sur le côté sportif, est la meilleure équipe du plateau. Aujourd'hui, on a une équipe McLaren qui, clairement, dans toutes les circonstances depuis maintenant... Alors moi, je ne dirais pas que c'est depuis Imola, parce que je vois beaucoup de gens qui disent depuis Imola. Depuis Imola, il ne faut pas oublier que la McLaren était très très bonne en fin de relais, beaucoup moins sur les débuts de course. Aujourd'hui, on a une McLaren qui, effectivement, est la meilleure voiture sur toute la course. Ils auraient dû gagner à Silverstone, ils auraient dû gagner en Autriche, ils auraient dû gagner probablement en Espagne. Donc il y a eu 2 erreurs stratégiques et un accrochage avec Verstappen en Autriche, mais sinon ça aurait pu faire potentiellement 4 victoires de suite pour McLaren en termes de rythme. Donc ça, c'est quand même la grosse bonne nouvelle. Maintenant, la question, c'est est-ce que cette équipe a raison de ne pas vouloir, entre guillemets, chercher le titre pilote et juste prendre le titre constructeur, qui est quand même le moins populaire des deux, quoi. Alors pour moi, t'inquiète pas, maintenant ça va se jouer comme ça. Je pense que pour la première victoire de Piastri, il ne voulait pas le mettre dans cette situation-là. Peut-être maintenant qu'il l'a eu, effectivement, ça va être plutôt du Norris favorisé pour le titre pilote, surtout si Verstappen se fait encore devancer par une Mercedes ou par une autre équipe. On va arriver à Spa. Spa, circuit très rapide, Mercedes devrait être à l'aise. McLaren encore aussi. Bon, Verstappen, Spa, c'est son terrain de jeu. Donc, à voir si la Red Bull sera assez efficace là-bas pour rejouer la victoire. Mais si ce n'est pas le cas, qu'effectivement, il y a les Mercedes qui se réintercalent entre McLaren et Verstappen. Oui, là, clairement, c'est objectif titre pilote et constructeur. Et là, tu peux être sûr et certain que s'il y a des 1 et 2 Piastri-Norris, Piastri ayant eu sa première victoire, on réinversera les positions et on ira jouer la totale championnat pilote et championnat constructeur. Maintenant, vu que ce n'était pas, comme je le redis, explicitement dit à Piastri dès ce Grand Prix de Hongrie que, quoi qu'il arrive, il finirait deuxième derrière Norris, et bien qu'on respecte au moins la parole donnée en briefing, et voilà, et tout va bien. Et à partir de maintenant, ça va être Red Bull est dans les choux. Dans les choux, je relativise évidemment. mais voilà, on peut faire 1 et 2 et mettre au moins Max 3e si on ne fait pas de conneries. Ça veut donc dire qu'on prend 10 points à Max à chaque course, ce qui nous fait donc 11 fois 10, 110 sans compter les sprints. Pour Norris, c'est jouable. S'il n'y a pas évidemment de problème de fiabilité ou autre, c'est effectivement quelque chose qui est clairement jouable. Donc voilà, moi je le vois maintenant comme ça, effectivement, puisqu'en plus ils ont commencé à en parler chez McLaren du fait que si on avait un pilote en lice pour le titre, ça va arriver. Donc je pense que suite à ce Grand Prix là, il y aura une grosse discussion par rapport à ça. Et selon ce qui se passera à Spa, si la Red Bull est encore dans les choux sur un circuit qui devrait pourtant lui convenir, je pense qu'il y aura une grosse stratégie pilote constructeur qui va être en place. J'ai une énorme alarme dans les oreilles, je sais pas si ça vient de chez moi. Ça vient de chez moi, ouais. C'est le Aldi d'en face. pour tout vous avouer sur les coulisses. Le truc, c'est que effectivement, du côté de McLaren, en fait, moi, là, si je pose deux secondes ma casquette d'intervenant dans cette émission et d'animateur et que je prends ma casquette de fan McLaren, je trouve ça super triste que l'équipe décide finalement de lâcher l'affaire si tôt dans la saison, parce que c'est vrai que alors ça paraît déjà être un long shot qui joue le titre constructeur après un début de saison comme Red Bull a fait. Pour autant, aujourd'hui, c'est clairement la situation telle qu'elle est, puisqu'en plus Red Bull constructeur pour le coup n'a vraiment qu'une voiture, hein. Là la deuxième voiture marque très peu de points et en fait bah c'est vrai qu'on se dit finalement si McLaren fait son effort de la bonne manière, les deux titres peuvent être, alors le titre constructeur est clairement jouable, ça c'est un objectif clair et assumé, et je dirais même qu'ils sont favoris. Mais Piazzella, oui. Ouais, bah c'est ça. Après savoir, oui, après il y a aussi ça évidemment, savoir qui remplacera Perez s'il est remplacé. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment le truc de se dire est-ce que McLaren a la possibilité d'aller chercher les deux titres. Moi je pense que oui. Mais effectivement, il va falloir maintenant appliquer des consignes. Et c'est vrai que ça pourra être cruel potentiellement pour Piastri, même si du coup, on a déjà les deux qui ont gagné cette année. Alors c'est la première fois depuis 2001 que deux équipiers dans une même équipe remportent leur première victoire la même saison. C'était à l'époque Ralf Schumacher et Juan Pablo Montoya qui avaient remporté chez Williams, précisément. J'ai vu passer cette stat. Et puis voilà, donc c'est vrai qu'après on a 7 vainqueurs, alors je voulais faire un petit aparté, on a 7 vainqueurs différents cette année. C'est la première fois qu'on a autant de vainqueurs depuis 2012 où il y avait eu 8 vainqueurs au total dans la saison. Donc on peut espérer, si Perez ou son remplaçant vient à gagner, ou si même une course se finit avec un résultat un peu improbable, égaler, voire dépasser enfin en tout cas la saison entrerait dans le top 10 des saisons ayant eu le plus de vainqueurs de l'histoire. Je pense que, je ne sais pas si tu avais d'autres trucs à dire pour McLaren aussi. Non, bah, très bonne lancée McLaren, surtout sur un circuit où il y a plutôt des virages lents ou moyens. Donc leur faiblesse sur les virages lents et moyens est clairement effacée. Là, c'est maintenant clair et net. La voiture, elle est très très, elle est peut-être même plus efficace sur les circuits un peu lents moyens comme ça que. Un circuit très rapide comme Silverstone ou Spa. Donc, à voir effectivement à Spa s'ils arrivent à concrétiser sur cette forme-là. Mais bon, Norris à Spa, je pense qu'il va encore nous décrocher quelque chose de sympa. Surtout qu'en plus, ils annoncent de la pluie. Ouais. J'ai vu ça. C'est pas oublié qu'en 2021, avant de pulvériser sa voiture en haut du Rédillon, il était parti pour faire la pole. Mais non, plus sérieusement, effectivement, ouais, je pense que ça peut jouer. Alors, Sombright and Delicate dit ce qui sera peut-être cruel pour les autres équipes, dont McLaren, c'est le retour de Red Bull à Spa. On en parlera au moment de Red Bull, mais ce qu'on a vu avec les évolutions de la RB20 ce week-end ne va pas du tout dans ce sens-là, dans le sens d'une écurie Red Bull qui va à un moment ou à un autre revenir aux avant-postes de manière dominante, on va dire. Donc en tout cas, du coup, pour finir avec McLaren, ils prennent la deuxième place au championnat à Ferrari, puisqu'en fait, jusque-là, ils étaient encore derrière. Mais c'était un peu évident qu'on aurait cette inversion à un moment ou à un autre, vu la dynamique des deux équipes depuis le Grand Prix d'Espagne. La deuxième équipe dont on va parler, c'est Mercedes. Lewis Hamilton termine 3e, George Russell 8e, en ayant été éliminé en Q1. L'équipe est toujours 4e au championnat. Alors là, c'est pareil, sur un circuit qui était lent et chaud, ils ne s'attendaient peut-être pas à un aussi bon résultat. Ils ont même dit que les déboires de Verstappen les ont bien aidés, mais n'empêche que ça fait un 4e podium de suite pour Hamilton, un 5e podium consécutif pour l'équipe. Et au final, c'est un très bon résultat et ça confirme aussi le retour en forme de Mercedes plus globalement. Ouais, c'est bien cette confirmation effectivement pour eux que la Mercedes W15 évoluée fonctionne bien. Un peu partout, il y a encore des évolutions pour Spa, donc à voir ce qu'ils sortiront à ce moment-là. Et voilà, ça fait plaisir de voir une équipe supplémentaire revenir dans le mix pour les très bonnes places. Alors sur ce Grand Prix-là, ça jouait pas la victoire, clairement pas. Mais voilà, c'est clairement en progression. Donc moi sur un circuit comme Spa, je les vois bien, comme à Silverstone hein, d'ailleurs, rejouer la victoire, c'est pas impossible. Donc ouais, donc grosse évolution qui fonctionne depuis Monaco avec la direction qui a été prise par l'équipe technique de James Allison qui semble être la bonne. Et donc pour eux, ça veut dire qu'effectivement on finira bien ce championnat. On jouera évidemment pas le titre constructeur, soyons clairs, mais on se replace très bien pour pourquoi pas faire une super saison 2025 pour Russell et X, puisque on sait toujours pas qui sera X, mais du coup ça deviendra une place très convoitée pour Monsieur X. Voilà, et voilà, sinon bah le point c'est ça. Et donc ouais, par contre ouais, le coup de moins bien de Mercedes, c'est clairement la gestion des qualifications de Russell, qui est parti un peu trop tôt en piste en Q1, avec pas assez d'essence pour aller jusqu'au bout de la tentative en Q1 alors que les conditions s'amélioraient. Donc voilà, ça se fait éliminer à ce moment-là. Sur un circuit comme la Hongrie, ça pardonne pas. On peut remonter un petit peu avec la stratégie, mais on remonte pas évidemment très fortement. Donc ça sauve quelques points pour Russell, mais ça aurait pu être bien meilleur au global pour les deux pilotes. Mais bon, voilà, ça. C'est ça, effectivement. Ça jouait certainement avec Hamilton et Verstappen. Devant ça aurait pas joué avec un Norris et Piastri, soyons clairs, mais oui, ça pouvait jouer le doublé derrière les McLaren ou effectivement si Verstappen n'avait pas fait son erreur aussi sur Hamilton, parce qu'on parlera de l'erreur de Verstappen au moment de Red Bull hein, on en parle pas maintenant avec Lewis hein, parce que c'est un gros tout sur Red Bull, c'est un gros paquet. Voilà, donc, pas plus à dire sur Mercedes qui se cherche sur son deuxième pilote. Voilà, donc c'est Verstappen toujours un peu courtisé, mais on va voir avec vous que ça se referme un petit peu au niveau des pistes et que pour Antonelli ça pourrait se préciser un peu plus, ou Carlos Sainz, pourquoi pas. Ça reste une possibilité aussi pour Carlos qui pourrait effectivement miser sur cette équipe là si Toto Wolff trouve une autre place ailleurs pour Antonelli, parce que c'est un petit peu l'enjeu en fait derrière, c'est pas laisser Antonelli sur le carreau parce qu'on sent clairement qu'il est prêt pour la F1, mais peut-être pas prêt pour une Mercedes F1. Voilà. Alors ça, on y reviendra plus tard, mais il y a peut-être une nouvelle équipe qui pourrait l'accueillir potentiellement. Alors par contre, oui, Alka disait très justement que Russell n'a pas fait un bon tour, et c'est vrai que Russell a dit lui-même, désolé les gars, c'est aussi de ma faute, puisque son dernier tour rapide, il le foire avec une erreur. Donc voilà, chez Mercedes, c'était bien, c'est pas de culture du blâme, hein, comme d'habitude, et puis on fait les choses plutôt bien. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, évidemment, Laurentin disait dans le chat, c'est le 200e podium de Lewis Hamilton, hein, on dit bravo quand même, parce que c'est un grand nombre, son 12e en Hongrie, hein, c'est un circuit qui lui convient très très bien. Voilà, je pense que là on retrouve aussi un Hamilton décomplexé par sa victoire, décomplexé par une voiture qui lui convient mieux, et maintenant qu'il est en confiance, on le sent bien plus motivé, et comme on avait prévu en fait, à partir du moment où la voiture d'Hamilton peut faire des bons résultats, il les fait quoi, donc là-dessus c'est plutôt chouette. Alors Zerider dit Hamilton doit se dire merde, j'ai signé trop tôt vu la convergence des perfos entre Ferrari et Marco. les choses ont encore largement le temps d'évoluer d'ici 2025. Et de toute façon, lui, je pense aussi que c'est un pari aussi pour plus. Et que l'an prochain, il sera ravi de développer et de préparer avec Ferrari la saison 2026. Donc, ça va être pas mal. Laurentin, pourquoi les hards à la fin? Simplement parce qu'ils n'avaient plus que ça à mettre qui soit utilisable. Hein. C'est vraiment le dernier. Considérer dans les stratégies à deux arrêts, le dernier train, c'est toujours le train qui va. Qui est mis un peu par défaut, parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup plus à faire. Enfin, comme on avait vu, bah, alors, évidemment, il y avait une erreur avec Norris à Silverstone, mais globalement, c'est la plupart du temps le train qui reste. Quoi. Le meilleur allié de Red Bull, c'est peut-être Mercedes pour contrer McLaren au championnat. Alors, oui et non, parce que oui. Ça peut être l'inverse. Ça peut être aussi Mercedes qui s'intercale entre McLaren et Red Bull et qui prend, enfin qui permet de prendre des points davantage à McLaren. Donc c'est un jeu dangereux pour Verstappen dans tous les cas. Et c'est vrai que c'est un petit peu, ça peut être à double tranchant, on va dire. Donc voilà, en tout cas Mercedes, bah, c'est vrai que c'est toujours des progrès continus, pardon. Je pense qu'on va aller revoir encore bien à Spa. Et Spa, ce qui va être bien, c'est qu'ils vont pouvoir tester. Parce qu'ils ont dit depuis pas mal de temps, notamment avant d'avoir ces séries de podium, que le problème de la voiture, c'était de tester, d'être bon sur les virages rapides et les virages lents. Depuis ça, on a eu beaucoup de circuits où c'était beaucoup de virages lents ou beaucoup de virages rapides. Et là, à Spa, on a deux secteurs très très rapides et un secteur très lent. Donc ça va leur permettre aussi de voir si les progrès ont été faits aussi sur la manière dont la voiture peut être mise dans plusieurs fenêtres, entre guillemets, au fil d'une course et d'un tour. Les hards ne marchent pas très bien cette année. Ouais, ça, c'est variable. Ça en fait, les médiums sont toujours les meilleurs pneus, en fait. Ça, c'est pour la course. Mais les hards sont quand même. Il y a des courses, ils marchent bien quand même. Quand tu tapes dedans, tu peux taper dedans pour finir la course. Ça marche des fois ouais. Fort. Hein. Ouais, c'est vrai que un dernier relais en hard, c'est pas une connerie. Et on est loin, par exemple, il y a deux ans où il avait fait un peu frais en Hongrie. Et là, les hards étaient une horreur parce que les voitures étaient glacées dessus. Ferrari a fait l'erreur de mettre les hards sur les deux voitures, d'ailleurs. Là, c'est vrai que globalement, en plus, il faisait chaud. Donc, ils se mettent bien en température et ils sont. Ouais, c'est efficace quoi. Laurentin qui dit comme quoi c'est bien de commencer une saison avec des pontons. Bah oui, comme quoi c'est vrai qu'on s'est foutu de la gueule de Toto Wolff pendant 5 ou 6 courses parce qu'il nous parlait de son étoile polaire et puis il nous disait que la voiture a du potentiel. Et le fait est que la voiture a du potentiel. Là-dessus, on avait déjà fait notre mea culpa il y a quelques semaines. Troisième équipe dont on va parler, c'est justement Ferrari. Alors Ferrari, c'est toujours un petit peu compliqué, mais un résultat d'ensemble qui n'est pas si mauvais compte tenu des performances de la voiture. Charles Leclerc termine 4e, Carlos Sainz termine 6e, l'équipe perd une place au championnat, mais voilà, limite malgré tout les dégâts avec une vingtaine de points marqués. Pas de grosse déception, plutôt le sentiment d'avoir fait le meilleur résultat possible finalement à la fois chez les pilotes et chez Fred Vasseur après la course. Oui, c'est clairement limitation des dégâts, maximisation des opportunités sur ce Grand Prix. Bah, Leclerc bénéficie effectivement aussi de la bêtise de Verstappen en fin de course sur Hamilton. Et donc, j'ai pris parti hein, sur sur l'accrochage entre Hamilton et Verstappen. Oui, si vous attendez quelque chose de neutre, ça n'arrivera pas. Mais voilà, donc ça permet effectivement à Ferrari de devancer Red Bull sur ce Grand Prix-là. Non, leur but à eux, c'était effectivement de continuer à voir comment ces évolutions fonctionnent. C'est introduite effectivement à Barcelone qui ont causé un petit peu de soucis en termes de rebond. Bon, alors c'est un petit peu moins problématique effectivement en Hongrie où les virages rapides sont quand même assez limités. Et voilà, ils ont commencé à comprendre certaines choses. Donc maintenant, il faut confirmer à Spa. Et là, on verra effectivement si Ferrari permet de se remettre un petit peu dans le bon tempo. Je ne pense pas qu'on va dire ça dans le bon groupe parce qu'ils ont quand même pris un retard de 2-3 dixièmes. En fait, ils ont pris le retard que Mercedes avait jusqu'à avant Monaco. Donc, ils sont un petit peu switchés de position à ce niveau-là. Donc, et les évolutions futures, c'est vraiment pas pour tout de suite. Leclerc a dit que ce ne serait pas de suite à la rentrée en plus. Donc, on peut imaginer au mieux à Monza, sinon à Singapour. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même encore quelques courses où ça sera un petit peu difficile de se battre pour mieux que le podium, je pense. Donc ouais, au moins qu'ils essayent de retrouver le droit chemin en termes d'évolution, en termes de réglage de ces évolutions. C'est pas évident, d'autant plus que bah, vous savez, Enrico Cardile est parti. Il est en congé, voilà, en préavis de congé de jardinage, comme on dit en anglais. Et donc, voilà, il n'y a plus de directeur technique en tant que tel à la direction de Ferrari pour les pièces. Mais bon, alors, il a été remplacé, hein, faut pas s'inquiéter pour eux. Mais bon, voilà, c'est une équipe peut-être technique un peu déstabilisée sur les évolutions, sur les pièces à introduire. Et voilà, donc on attend mieux effectivement tous de Ferrari. On les voyait jouer plus souvent la victoire après les deux premières victoires de Sainz et Leclerc. Ils sont rentrés un petit peu dans le rang, mais bon, c'est pas catastrophique non plus. Et puis comme tu dis, ouais, c'est maximisation du résultat en Hongrie en attendant de la nouvelle organisation technique à la rentrée, avec ou sans Newey, on ne sait pas encore, mais bon. Le but, c'est d'arriver à la pause. Alors, c'est vrai que McLaren, donc, du coup, je pense qu'il les voit un petit peu s'envoler pour de bon. Oui. Et troisième, ça sera vraiment la meilleure place pour eux à assurer dans l'état actuel des choses, en essayant de ne pas se faire remonter par Mercedes non plus. Mercedes qui a clairement dit que c'était son objectif pour la fin de saison d'ailleurs. Ouais. Mais effectivement, c'est vrai que Ferrari, bah, c'est de toute façon le package de Barcelone, hein, qui les a mis dedans, comme on dit, parce que avant ça allait très bien. Et le plancher qui a été amené à Hongrie est censé corriger le problème qu'avait amené le package de Barcelone. Toutefois, le circuit de la Hongrie n'était pas non plus très révélateur par rapport à ça, puisque c'est sur les hautes vitesses surtout que ça se répercute. Et c'est en ça que Spa-Francorchamps sera la véritable test pour Ferrari, plutôt que la Hongrie. Mais bon, effectivement, je pense que de toute façon, ils ne seront pas au niveau de McLaren et pas au niveau de Red Bull et Mercedes. Ça paraît assez évident. Effectivement, Yann, hein, c'est pas la première fois que Ferrari a du mal avec ses développements. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi ce qu'a payé Cardillet au moment Enfin, bon, lui, il est parti pour autre chose. Mais je pense que de toute façon, il y avait un petit peu de volonté de changer. Parce que autant ils conçoivent bien des bonnes places, autant ils ont du mal à les faire évoluer de la bonne manière par rapport à la concurrence. C'est un petit peu compliqué. Pas grand-chose à noter du côté coulisses, puisque Carlos Sainz n'a toujours pas pris de décision. Donc on ne sait pas exactement où il va aller. On pense qu'il peut attendre un petit peu quand même, parce qu'on n'avait plus trop parlé de Red Bull récemment, mais avec les derniers développements de ce qui se passe chez Red Bull, alors là, on prend un petit peu d'avance, mais il est Tu probable que... vas... Ouais, tu fais la transition là, du coup, c'est bien. Ouais, c'est ça. Carlos Sainz, effectivement, il attend peut-être une opportunité de dernière minute, alors soit chez Mercedes, soit chez Red Bull, puisque voilà, on va parler du cas Pérez juste après, mais voilà, il a ces deux offres-là qui ne sont pas vraiment fermes sur la table, mais qu'il espère. Et les trois offres fermes qu'il a sur la table, c'est alors peut-être même plus que deux apparemment. Ce serait Alpine et Williams. Et Audi, il aurait rejeté d'après les dernières informations. Donc voilà, donc on ne sait pas trop où est-ce que ça va le mener. Ça pourrait être compliqué effectivement par l'envie d'Alpine de passer du côté de Mercedes, dont on parlera aussi tout à l'heure. Voilà, donc est-ce que c'est un atout pour faire venir Sainz, ou au contraire ça va être un moyen de pression pour Wolff de voir caser Antonelli chez Alpine ou chez Williams pour avoir Sainz chez Mercedes. Bah, bref, il y a une possibilité pour que Sainz rebondisse dans une de ces trois équipes plutôt que chez Audi ou chez Red Bull. Mais Oui. franchement, tous les scénarios sont possibles à 7 heures, quoi. C'est ça. Hein. Alors, Calabrese dit, et si Sainz finissait réellement chez Alpine, mais c'est clairement quasiment la piste la plus probable aujourd'hui, hein, malgré tout. Et il y a Alka et Clémence qui demandent si effectivement Sainz prend pas des risques à se retrouver sur le carreau, entre guillemets, à trop attendre. Comme on l'avait dit la dernière fois, ça reste quand même le meilleur pilote sur le marché aujourd'hui. Et du coup, il a cette chance-là que de toute façon, il y aura quelqu'un pour le récupérer à la fin. Alors, c'est sûr qu'il risque de se faire fermer des portes, mais ça, je pense qu'il en est totalement conscient. Et de toute façon, les portes qui risquent de se faire fermer, soit c'est celles qu'il attend pour aller vers d'autres, donc auquel cas, bah, il aura le temps d'aller vers les autres, soit c'est, entre guillemets, je pense, des solutions qu'il considère lui comme interchangeables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'il signe chez Williams ou chez Alpine, c'est des équipes qui sont globalement dans la même ligue et qui ont globalement un possible très bon avenir avec un moteur Mercedes, mais qui ont du travail. Et après, il y a le cas Audi qui est un peu différent, mais de toute façon, ça a l'air d'être plutôt la dernière piste pour lui. Donc, c'est pas un très gros risque, je pense. Hervé Rallycross demande Sainz s'entremet avec Binotto. On y reviendra sur la partie Audi Steak, vu qu'ils font pas grand-chose en piste, ça nous permet d'avoir de quoi dire sur eux. Alors Red Bull, parce que là du coup on attaque probablement le plus gros morceau de cette soirée. Red Joker. Bull. Comment? Joker, allez. Je suis capable de tenir un quart d'heure tout seul. Verstappen a terminé 5e, Perez a terminé 7e, dans un week-end où finalement ils ont été chacun la caricature de ce qu'ils peuvent être dans les pires week-ends de leur carrière. Du côté de Perez, bah, c'est bien simple, encore une sortie en Q1, encore une voiture cassée, encore un départ en fond de grille. Ce coup-ci, il a réussi à remonter, ce qui est bien. Parce qu'il a fait une pas mauvaise course, là-dessus on peut pas le dire, le rythme était bon, il a bien profité de sa stratégie, il a bien dépassé quand il fallait, c'était pas mal. Mais malgré tout, un départ encore une fois en fond de grille parce qu'il a encore perdu le contrôle de sa voiture et a encore cassé sa voiture. Je commence par lui puisqu'en fait on a fait les transferts et en fait chez Red Bull il y a probablement une place qui va s'ouvrir plus vite que prévu parce qu'on avait clairement compris qu'il y avait un risque pour Perez de ne pas que Red Bull n'honore pas la prolongation de son contrat en 2025-2026. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui son contrat va jusqu'à fin 2026. Mais on ne pensait pas que potentiellement, enfin, on ne savait pas comment Red Bull allait faire pour s'en débarrasser s'il avait vraiment des difficultés avec lui avant. Et il semblerait qu'en fait ils aient des clauses puisqu'ils avaient dit que la Hongrie et la Belgique seraient les courses les plus importantes et que ça ne pouvait pas continuer comme ça de la part de Perez. Et Ricciardo, parce que là du coup on en vient à son potentiel remplaçant pour la fin de saison, a dit qu'il jouait les deux week-ends les plus importants de sa carrière en Hongrie et à Spa-Francorchamps. Alors ça peut être pas grand-chose, et peut-être qu'il s'est juste mis des objectifs personnels, mais on peut imaginer quand même qu'il y a un peu plus derrière tout ça. Alors je réponds à John Smith qui dit pourquoi avoir prolongé Perez si tôt, c'était pour lui donner confiance, lui dire voilà on te fait confiance, tu arrêtes d'avoir la pression et tu roules sans pression. Malheureusement ça n'a pas fonctionné. On reviendra à la question d'Alka un peu plus tard. Donc toi Franck, est-ce que tu qu'est-ce que tu penses de Perez pour ou contre? Est-ce que tu le vois passer la pause estivale ou est-ce que ton avis la pause estivale signifiera la fin de sa carrière en Formule 1? Je ne le vois pas passer la pause malheureusement, surtout suite aux déclarations de Marco aujourd'hui qui dit que dès le lundi après Spa il s'envole en Angleterre pour aller discuter avec Horner des procédures concernant Perez. C'est quand même assez clair. Ça, c'est vraiment un mot qui pue, ça. C'est quand même assez clair. Soit c'est les procédures d'étude de ses performances, soit c'est les procédures de rupture de contrat. Et à mon avis, c'est plutôt les procédures de rupture de contrat. J'ai tendance à penser que sa boulette de samedi aurait été fatale, hein, quand même. Je pense que là, c'est non seulement il se sort, mais en plus il casse des évolutions. Heureusement qu'il n'avait pas de nouveau capot moteur. Ce que j'allais dire, ils ont bien fait de ne pas lui donner finalement. C'est ça. Honnêtement, là, je ne vois pas comment il peut s'en sortir encore plus. Là, ils ont pris trop de retard. Ils s'en prennent d'ailleurs tellement que même Verstappen n'arrive plus à maximiser non plus forcément la Red Bull et donc à sortir des bons résultats. Et donc là, ils se retrouvent vraiment enfin dans la situation où on leur dit là, vous allez être obligé d'avoir deux bons pilotes l'un à côté de l'autre. Et pour moi, je vois deux scénarios. Je vois un scénario. Alors, je vois dans mes deux scénarios, Perez n'est plus là. Clairement, s'il est encore là après la pause, je ne sais pas ce que je fais. Je trouverais bien une connerie à faire, mais je la ferai. Mais dans les deux scénarios, je vois un scénario où Daniel Ricciardo est en effet promu pour finir sa saison et sa carrière chez Red Bull. En tentant de sauver ce qui peut l'être au championnat constructeur pour Red Bull, et il recrute derrière Carlos Sainz pour 2025 et la suite. Ça, c'est mon scénario numéro 1. Mon scénario numéro 2, c'est Liam Lawson directement dans la Red Bull. Quand je vois les propos de Marco sur Yuki Tsunoda, alors tout le monde dit que c'est Tsunoda qui mérite, et effectivement, dans la logique, ce serait Tsunoda qui mériterait. Mais il dit encore qu'il est encore un peu irrégulier, que c'est pas encore tout à fait ça et tout. On sent très bien que le fait que ce soit un pilote très marqué Honda, pas encore hyper régulier et capable de sortir des choses tout le temps, ça, c'est pas en faveur. Je pense qu'il préfère le laisser à prendre la puissance chez RBF1 plutôt que d'aller le griller auprès de Verstappen chez Red Bull. Donc je pense que la mission sauvetage va être confiée à Ricciardo. C'est fou quand même parce que Tsunoda est d'une régularité exceptionnelle depuis le début de saison et depuis même la saison dernière. Bon, il a fracassé les monoplaces ce week-end quand même. Oui, oui, il casse sa voiture ce week-end, mais bon, ça fait toujours moins que vos monoplaces cassées que Perez. Et à côté de ça, il la casse violemment par rapport à la sortie qu'il fait. Et malgré tout, il a fait quand même de très bons résultats et de très bonnes qualifs depuis le début de saison. Donc, oui, oui, on est d'accord, mais bon, Marco a sorti ça encore une fois. Donc puis après, c'est pareil, pas vouloir cramer Tsunoda et réfléchir à Lawson, c'est totalement... débile. Donc pour moi, voilà, je pense que c'est les deux scénarios les plus probables. Après, j'explique pas du tout que Tsunoda soit promu chez Red Bull. D'ailleurs, il l'a dit lui-même pendant les interviews avant le Grand Prix. Il a dit, c'est logiquement mon nom qui devrait ressortir, pas celui de Lawson. Et effectivement, il s'est mis en avant comme ça. Mais Marco ne l'a pas vraiment fait comme ça. Alors peut-être pour tromper les gens aussi, je sais pas. Mais au bout d'un moment, de toute façon, là, il est devenu clair que la situation chez Red Bull est devenue telle que Verstappen, par son seul talent, n'arrive plus à s'imposer. La voiture est devenue trop peu performante, assez peu bien équilibrée et trop inégale pour effectivement assurer des gros points tout le temps. Et là, ça fait quand même plusieurs grands prix qu'il n'arrive pas à s'imposer face à McLaren, face à Mercedes. Donc voilà, il y a besoin de mettre quelqu'un urgemment dans le deuxième baquet pour sauver des gros points. Alors Perez finit certes septième, il assure l'essentiel sur ce Grand Prix-là, mais voilà, je pense que l'erreur de la qualification, c'est une erreur en trop encore une fois. Bien avec la course qu'il fait, il aurait pu finir dans le top 5 facilement. Et donc pour moi, voilà, je ne mettrai pas ma main à couper sur ces deux scénarios-là, mais c'est ce qui me semble être le plus probable. Et je pense que c'est aussi un peu ce qu'attend Carlos Sainz, hein, donc cette possibilité de retourner dans le giron Red Bull. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un pilote Red Bull aussi à la base, donc ça sauverait aussi un petit peu la formation de Sainz aussi derrière, et ça aurait du sens d'aller le mettre dans les pattes de Max Verstappen. Et voilà, c'est du coup le duo Toro Rosso qui se retrouve reformé quelques années après, et je pense que ça ferait du bien à Max Verstappen d'avoir un pilote un peu plus libéré en termes de pression. En 2025 à ses côtés. Voilà. Le problème, c'est que voilà, il y a quand même toute la fin de saison 2024 à passer. Si c'est cette solution-là, maintenant après, si c'est Lawson directement, bah là, c'est qui tout double. Hein. C'est clair que c'est où Lawson devient un extraterrestre face à Verstappen et nous sort des dingueries. Soit il se fait effectivement cramer comme tous les autres, et ça sera le jeu aussi. Quoi. Bon, pour moi, s'ils mettent Lawson, ils le crament, mais genre tout de suite. Il y a pas de. Et ce serait la même chose que Gasly et Albon. Ils ont pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris les erreurs qu'ils ont faites dans le passé. Gasly et Albon, qui paradoxalement, j'ai regardé un petit peu, et notamment Albon, sa saison 2020, faisait des performances face à Verstappen qui étaient bien plus honorables que celle de Perez face à Verstappen aujourd'hui. Il y a eu une double question. Alka disait, est-ce que le problème ne vient pas du deuxième baquet de la Red Bull? Et Dave Murray dit, est-ce qu'un autre pilote ferait vraiment mieux que Perez avec cette voiture? Moi je dis, le problème n'est pas que le deuxième baquet. La gestion du deuxième baquet est certes pas terrible chez Red Bull, mais ça reste une RB20, hein. C'est pas, on leur file pas une V-Carb 01. Et oui, aujourd'hui Perez est dans un tel manque de confiance et dans une telle spirale négative, bien sûr que des pilotes feraient beaucoup mieux que lui. Je pense que Ricciardo ferait mieux que lui, je pense que Tsunoda ferait mieux que lui. Bon, Lawson c'est compliqué parce que c'est un débutant, mais je pense que beaucoup de pilotes, même si on débarquait un Sainz en transfert anticipé ou pour imaginer un des scénarios les plus improbables, il ferait mieux que lui parce que Perez aujourd'hui n'est plus du tout dans une confiance qui lui permet d'exploiter sa voiture. John Smith demande, peut-on imaginer Sainz débaucher chez Ferrari après Spa? Non, ça c'est... Ouf. Ça n'arrivera pas, ou enfin, vraiment ce serait une très grosse surprise. Ça voudrait dire que Hamilton est débauché avant l'heure et tout, et Hamilton, voyant la Mercedes qu'il y a aujourd'hui par rapport à la Ferrari, ouais, qu'il y a actuellement, il ne va pas lâcher la Mercedes pour encore peut-être quelques victoires avant de partir. Ouais, c'est ça, c'est clair. Mais voilà, c'est sûr que de toute façon, Perez aujourd'hui, c'est... Enfin, on voit qu'il a, quand il a le rythme, ce qui a été le cas dimanche en course, il est dans des chronos proches de Verstappen. Il est plutôt dans les 3 dixièmes, 4 dixièmes de Verstappen. Mais la plupart du temps, dans les restes du temps, il est à 8 dixièmes, 9 dixièmes, une seconde. Ouais. Et, tu ne peux pas comparer les chronos en course et les chronos en qualif. Non, mais je parle en général, parce qu'à Silverstone, il n'a jamais été à moins de 7 dixièmes de Verstappen dans tous les tours de la course. En fait, c'est ça le truc. Et en qualif, c'est différent, mais en qualif, c'est pareil. Il était, il sait être plus près que ça. Et au final, je pense que ça montre juste que Checo n'est jamais en confiance et que plus sa confiance est faible, plus. Alors après, bravo à lui, parce que par exemple, ça veut dire qu'il a réussi à la reprendre dimanche pour faire une très belle course après l'accident de samedi. Mais je pense que ses performances aujourd'hui sont directement indexées sur sa confiance, en fait. Et il y a des courses où il est moins en retard sur Verstappen, mais je pense que typiquement, un pilote qui serait en confiance dans la Red Bull à faire sa Verstappen, sans dire que ce serait un pilote très performant, le tarif aujourd'hui, c'est 3 dixièmes, 4 dixièmes, peut-être 5. C'est pas les 8 à 9 dixièmes que prend Perez en qualif comme en course, parce que à Silverstone et en Autriche, c'est ce qu'il prend tout le long, quoi. Et le dimanche aussi. Donc, oui, Alka, l'écurie a brouillé psychologiquement Perez, mais Perez s'est brouillé psychologiquement tout seul aussi en sortant de piste, en croyant qu'il avait une chance pour le titre en début de saison dernière, hein, parce qu'il faut pas oublier que sa chute, elle vient de là, hein. Elle vient de ses 4 premières courses de 2023 où il fait 2 victoires à 2 contre Verstappen, et puis il pense qu'il va devenir le leader du championnat à Miami, et finalement il se prend une leçon intégrale par Verstappen, et c'est de là que tout s'enchaîne sur les sorties de piste, les manques de confiance, etc. Donc voilà, il a été plutôt vaillant face à Verstappen, parce que ses saisons d'avant étaient très irrégulières, mais il y avait quand même des choses bien meilleures que ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et je pense qu'effectivement, on met un Ricciardo qui, lui, n'a plus grand-chose à perdre et qui est beaucoup plus... Enfin, dont on sait qu'il n'est pas si éloigné que ça du style de pilotage de Verstappen. Je pense que ça marcherait mieux, déjà, parce qu'il y aurait un côté un peu plus à l'aise avec la voiture. Et puis, on a vu que Verstappen commençait un petit peu à briefer Ricciardo pendant la parade des pilotes, ouais, sur comment se comportent les RB20, les dernières évolutions, tout ça. On sent quand même qu'il y a des petites choses qui se trament un petit peu en coulisses, donc... Voilà, mettez une petite pièce sur le scénario 1, je pense, que Perez se fasse débarquer, que c'est Ricciardo qui vient conclure en beauté sa carrière chez Red Bull et tenter de sauver ce qui peut l'être. Au pire, ça ne sera jamais pire que Perez. Non. Et retenez aussi que ça ne sert à rien d'aller déjeuner chez Christian Horner à sa maison, puisqu'apparemment, ça ne porte pas plus ses fruits que ça ensuite. Dans Phoenix, il y a une remarque qui est très pertinente. Perez fait comme Bottas, au fil des années, ils se sont effrités, mais on ne se rend pas compte du drainage mental que c'est d'affronter des mecs comme Hamilton et Verstappen, en fait. C'est ça le truc. Relisez les paroles de Nico Rosberg au soir de l'annonce de sa retraite. Il dit qu'il est allé au bout de lui-même et qu'il s'est juste totalement épuisé, qu'il a tout sacrifié pour ça. Et même si Perez a eu des exploits de titre qui étaient juste des chimères, il les a quand même eus, et je pense que quand tu as 24 courses par an, où chaque week-end tu te rends compte que ton équipier est meilleur en qualif et meilleur en course, et que toi tu as l'impression d'être au meilleur niveau de ta carrière, mais que tu te prends quand même les dixièmes et les dixièmes, bah oui, effectivement, je pense que ça effrite énormément. Et Bottas a tenu beaucoup mieux, c'est vrai. Mais après, bon, c'était un peu... Je pense que Bottas est arrivé sur une meilleure partie de sa carrière. Il est arrivé plus tôt aussi dans sa carrière que Perez. Yann demande à Jarre dans la Red Bull, là c'est comme Lawson mais en pire, hein, parce qu'à Jarre on ne sait pas ce qu'il vaut au volant d'une F1. Oui. Au moins Lawson, on sait qu'au volant d'une F1 il est capable de faire des très bons grands prix, de s'adapter rapidement, ça il l'a montré sur plusieurs courses, il a fait des points à Singapour, il a fini 12e à Zandvoort sous un déluge pour son premier week-end où il n'a pas fait d'essai libre. On sait qu'il est bon. À Jarre, il est bon, c'est un bon pilote, mais de là à ce qu'il soit très bon dans une F1, on ne le sait pas encore, donc ce serait encore pire, on va dire. Oui, effectivement, après la trajectoire de Ricciardo est assez improbable, Yann. Et puis, donc, du coup, il n'y avait pas qu'une RB20, il y en avait deux en piste. On va parler de Max Verstappen. Alors, déjà, moi, petit point esthétique, très joli cette voiture sans canon cooling et avec un capot moteur beaucoup plus conventionnel. On a retrouvé une Red Bull avec des formes bien plus classiques qu'on verra sûrement à Zandvoort, parce que c'est un package pour les circuits lents en termes de refroidissement. Après Verstappen, voilà. Alors Verstappen, ça a été 70 tours. Non, c'était quoi, 70 tours d'infamie, on va dire. Puisque, alors oui, il a fait une qualif qui n'était pas mauvaise. Il se qualifie en deuxième ligne. Ça commençait quand même le samedi en disant que sa voiture, elle était pas bonne. Qu'il y a des gens qui n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Voilà, qui disent que ça va, mais en fait, ça va pas du tout. Et des propos d'ailleurs qu'il a répété après la course. Mais voilà. Mais ça a commencé dès samedi un peu. Le ton a commencé à monter. Envers les techniciens de Red Bull et l'équipe dès le samedi. Voilà, après, donc, il a fait sa petite course sur Air Racing le soir pour essayer de se détendre. Il semblerait que ça n'ait pas fonctionné, puisqu'on a vu un Max Verstappen particulièrement tendu dès le début de course. Je ne sais même pas par où commencer, parce qu'en fait, il a commencé déjà par attaquer son équipe sur la stratégie. C'était ça, en fait, le début de son meltdown, comme on dit en anglais. Alors ça, c'est pas faux, effectivement, se prendre à chaque fois deux undercuts. Je pense que, à son crédit, effectivement, Red Bull n'a pas très bien géré, et ça, ils l'ont un petit peu reconnu. Voilà. Mais de là à pourrir l'équipe comme il l'a fait, pourrir son ingénieur comme il l'a fait pendant 70 tours, à dire que sa voiture était une merde, je suis désolé, il n'y avait pas d'autre mot, que voilà, c'était tout, quoi. Il n'y avait, avait rien qui allait sur sa voiture. Ah oui, c'est avec le premier virage, déjà, il sort large, il passe à trois de front, il sort au large parce que voilà, et il rechigne à laisser à rendre la place à Norris parce qu'il a pris en piste. Voilà. Voilà. Et ça a commencé comme ça, en fait. C'est vrai que j'avais oublié déjà le premier virage. Ouais. Mais. Et après, il y a eu un pilotage de plus en plus tendu. Il y a eu des. Donc, il a buté sur un Lewis Hamilton qui était, ma foi, décidé à résister, qui lui a refait un petit peu les coups qui sont classiques en Hongrie en plus. Hein. Donc, il y a eu un moment où il a réussi à prendre l'aspiration entre le virage 1 et 2 et il n'a pas réussi à tourner. Il est sorti au large, donc il a reperdu la place face à Hamilton. Là, il a gueulé sur l'équipe parce que la voiture ne tournait pas. Et ensuite, Hamilton, il a essayé de le dépasser par l'extérieur. Hamilton a fermé la trajectoire. Il a dit qu'il n'avait pas. Verstappen a fait un commentaire qui m'a personnellement fait hurler devant ma télé. C'est-à-dire que il a dit qu'il fallait laisser une largeur de piste. Donc on parle quand même du mec qui s'est rabattu sur Norris jusqu'à le percuter en Hongrie, hein, en Autriche, pardon. Et puis, donc là, Giampiero Lambiase, qui a commencé à être un petit peu agacé, hein, son ingénieur lui a dit que Lewis Hamilton était devant au point de corde, donc il n'y avait pas de choses à noter. Et après, il y a eu cette attaque sur Hamilton. Donc forcément, on a revu un Max Verstappen. Moi, je suis content et à la fois pas content d'avoir eu raison il y a longtemps. Je vous ai toujours dit depuis 2022, puisqu'on fait cette émission depuis mi-2021, je vous ai toujours dit depuis 2022 que Max Verstappen n'a pas changé. Et que Max Verstappen avait beaucoup moins d'occasions de montrer qu'il était un pilote de mauvaise foi et un pilote bourrin en piste. C'était juste, mais que pour moi, ça n'avait pas changé. On l'avait déjà vu plusieurs fois. L'an dernier, il sort Leclerc au départ à Las Vegas. Il sort Gasly en le dépassant à Zandvoort. Il s'accroche avec Hamilton au Brésil en 2022. Et toujours des petites choses comme ça qui montraient que bah, c'était toujours le même Max Verstappen. Et là, on a eu l'Autriche il y a trois semaines où il est allé. Alors certes, Norris a fait un dive bomb qui était dégueulasse, mais par contre, l'accrochage, c'est Verstappen qui va le provoquer en traversant la piste et en allant percuter la McLaren. Et là, on a un Verstappen qui attaque de beaucoup trop loin, hein, puisqu'il se rend compte que il ne peut pas passer. Il arrive avec probablement quelque chose comme 20 km/h de trop. Il bloque les roues. Et il va percuter la Mercedes sur laquelle il décolle. Donc bravo aux ingénieurs suspension chez Red Bull parce que ça n'a pas bronché. Et ensuite, il a osé dire que Hamilton ne lui avait pas laissé la place. Ce à quoi Giampiero Lambiase a été un petit peu méchant avec lui en lui disant que c'était des commentaires enfantins. Puéril, ouais. Puéril. Alors, moi, je voudrais faire un petit coup de gueule à la FIA aussi parce que la FIA a dit que Lewis Hamilton aurait pu éviter l'accident. Mais depuis quand? Depuis quand un pilote qui arrive en survitesse bloque ses roues à un angle tout droit, c'est-à-dire que dans le virage, quasiment à 2 mètres du point de corde, sa voiture est encore dans l'axe de la ligne droite. À quel moment ce pilote-là n'est pas 100% responsable de l'accrochage, quand l'autre, en fait, a regardé dans ses rétros avant, puisqu'on voit qu'Hamilton, j'ai vérifié le replay, on voit qu'Hamilton regarde dans ses rétros avant, au bout d'un moment, il voit que la Red Bull ne l'attaquera pas ce tour-là, puisqu'il est bien plus loin que les tours d'avant, commence à prendre son virage, et ensuite, la Red Bull arrive et, littéralement, manque de le satelliser. À quel moment les commissaires justifient que Hamilton aurait dû laisser passer quand on sait quand même que l'autre arrive avec 20 km/h de trop. Moi je suis outré par cette décision. Alors c'est pas pour dire que Verstappen aurait dû être pénalisé en plus, il aurait fait 5-6, ça change pas grand chose. Mais en fait, j'en ai un peu marre qu'à chaque fois qu'il y a un accident, un accrochage avec Max Verstappen, on va chercher des emmerdes aux pilotes qui s'accrochent avec Verstappen. En Autriche, on dit « Oui, mais Norris, il aurait pu aller sur le vibreur. » Bah non, le vibreur, c'est pas la piste. Là, on dit « Oui, Hamilton, il aurait pu regarder. » Bah, il a regardé, mais en fait, quand il a regardé, c'était bon. À Bakou, l'an dernier, on dit « Oui, mais Russell, il aurait pu ouvrir la trajectoire. » Bah non, parce que c'est le virage 3 à Bakou, et quand on ouvre la trajectoire, on est dans le mur, etc., etc. À Las Vegas, on dit « Oui, mais la piste était sale. » Et on lui donne toujours des excuses, et à chaque fois, il n'y a personne qui est capable de dire « Max Verstappen pilote comme un bourrin et Max Verstappen n'est pas bon en duel. » Et en fait, ça m'embête parce que Max Verstappen est un génie du pilotage. Là-dessus, je le dirai tout le temps et il n'y a personne pour justifier l'inverse. Mais par contre, Max Verstappen n'est pas du tout dans le top 5 des pilotes en termes de duel en piste aujourd'hui. Parce que Norris se bat mieux en duel, parce que Russell se bat mieux en duel, parce que Hamilton se bat mieux en duel, parce que Leclerc se bat mieux en duel. Et ces quatre pilotes-là, il s'est accroché avec sur les trois dernières années. Donc au bout d'un moment, il faut remettre en question celui qu'il faut remettre en question, c'est Max Verstappen, et dire maintenant, On arrête de lui trouver des excuses, on arrête de trouver de la culpabilité aux autres pilotes qui se font accrocher par ce pilote, et on dit Verstappen, on le pénalise à chaque fois, parce qu'en fait sinon, on continuera à justifier des gros accrochages, on continuera à justifier des erreurs de sa part en disant oui mais l'autre aurait pu faire ça, machin, en gros bah, il faut toujours que les autres l'évitent en piste, et on va finir par avoir un jour un titre qui se décidera sur un accrochage où Verstappen ira accrocher son rival pour le titre, ça peut arriver cette année si Norris remonte, et on dira ah oui, mais son rival aurait peut-être dû lui laisser la place. Eh ben non, au bout d'un moment, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, moi, j'en ai vraiment marre qu'à chaque Grand Prix, à chaque fois qu'il y a un incident avec Verstappen, on vienne trouver des excuses à Verstappen et qu'on aille chercher des crasses aux autres pilotes. Et je trouve ça vraiment scandaleux. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, ça me fout hors de moi à force de voir que ça fonctionne pareil depuis 2021. Depuis 2019, pardon. A few moments later. Ah, j'en avais gros. Écoute, je te trouve un peu trop sévère, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, j'ai rien à rajouter. On revoit le Max d'avant sa domination, en fait, c'est ça. Il a toujours dit, en fait. Il a dit, moi, je suis là pour gagner, et je suis là pour gagner quoi qu'il en coûte. Donc, c'est donc effectivement du sale qu'il faut attendre de sa part. Voilà, que ce soit maintenant, que ce soit dans 5 ans, que ce soit dans 10 ans. S'il doit faire des choses, des dive bombs, s'il doit faire. Et là, c'est pour une troisième place, hein, c'est pas pour gagner, quoi, c'est ça le pire. Ouais, c'est ça, mais pour lui, tout est prétexte, effectivement, à une attaque à outrance et à essayer de dépasser les limites. Après, il voit si ça passe pas. Effectivement, pour le premier virage, au départ, il a tenté le coup. Bon, ben voilà, on lui a clairement dit qu'il avait plutôt intérêt à rendre sa place rapidement à Norris, sinon il allait se faire pénaliser. Et là, avec Hamilton, effectivement, c'est un peu l'énergie du désespoir. Quoi. On sent vraiment qu'il est hyper frustré de sa course. Il a eu des échanges déjà pas bien sympathiques avec son équipe. Il dit carrément je suis là pour sauver vos conneries, quand même, à un moment. Hein. Ouais. C'est, voilà, il faut quand même dire qu'on lui met des pneus neufs pour le dernier relais. Le premier truc qu'il cherche à faire, c'est meilleur tour en course, pulvérisé. Soit quand son ingénieur lui dit c'est une introduction très très gentille à ce relais, et tout ça le met un peu hors de lui. Donc je pense que la frustration qui a monté, qui a germé au fur et à mesure de ce Grand Prix, elle s'est manifestée aussi sur cette attaque désespérée. Et effectivement, comme toi, je suis 100% d'accord avec toi, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été pénalisé par au moins 5, je ne sais pas, 10 secondes de pénalité de la part de la FIA. Ça lui refait moins perdre une place pour le principe. Et voilà, c'est. J'ai rien de plus à ajouter que tout ce que tu as dit, parce que sinon on pourrait y passer des heures. On retrouve effectivement le Verstappen de 2021 et avant, qui est obligé d'en revenir à des choses crasses en piste, alors qu'il sait faire des choses absolument magnifiques et splendides avec une monoplace. Quand il n'est pas dans ces positions délicates, quoi. Et c'est ça qui me frustre encore plus, c'est que on sait que Verstappen est un pilote qui a un car control absolument fou, c'est-à-dire que ce mec est capable d'amener une voiture à 100% de sa limite sur 300 km de course. Donc quand on vient me dire ah, il a pas fait exprès, ah, il a fait ci, il a fait ça, non, c'est faux, c'est-à-dire que quand il va taper Norris en Autriche, puisqu'il va le taper, c'est-à-dire qu'il ne va pas bloquer ou essayer, non, il va le percuter, parce que c'est comme ça, il va le foutre dehors, et c'est des choses qu'on voyait chez Schumacher, des mouvements de frustration comme ça, c'est des choses qu'on voyait chez Senna, et quand les gens me disent, oui, mais c'est comme Schumacher et Senna, je dis, mais c'est pas des bons exemples, en fait, je sais pas, on peut prendre des exemples sur Alain Prost, par exemple, qui a peut-être fait une connerie dans sa carrière, mais qui était quand même beaucoup plus propre, tu vois, ou sur des Lewis Hamilton, qui a peut-être fait une autre connerie, mais qui était quand même beaucoup plus propre, ou sur Mika Hakkinen, alors certes, il avait deux titres, mais il a été toujours plus ou moins propre avec ses rivaux, etc. Et moi, c'est il y a un truc que le Sobriety and Delicate a dit, qu'il a dit, pourtant il n'a pas de raison de surréagir, il est toujours largement leader, c'est curieux cette attitude. Et c'est bien là mon gros problème, c'est que si on a un Max Verstappen qui joue le titre de manière serrée, ça va être ça, mais en pire. Et on va retrouver exactement les mêmes choses, c'est la manière dont il envoie Hamilton à 15 mètres de la piste au Brésil en 2021, la manière dont il break test à 320 km/h, parce que ça, personnellement, j'ai toujours pas digéré qu'il n'ait pas eu au moins un grand prix de suspension, etc., etc. Et c'était des choses qui étaient immondes de la part de Verstappen, parce qu'il était sous pression. Depuis, il a fait des choses qui étaient dégueulasses, pas immondes, juste dégueulasses, parce qu'il était plus sous pression. Mais il n'a pas changé. On a exactement le même Max Verstappen qu'on avait en 2019, 2020, 2021. La seule chose qui a changé, c'est que en 2022-2023, il a quasiment pas eu à lutter pour gagner, parce qu'il était le meilleur avec la meilleure voiture, et qu'il a gagné 35 courses en 2 ans. Et d'ailleurs, c'est avec cette équipe avec laquelle il a gagné 35 courses en 2 ans qu'il s'est pris le chaud ce week-end, parce que maintenant qu'il a fait 3 courses qui galèrent, et ben il est même pas capable de leur dire ça va bien se passer les gars, on va remonter ensemble. Il les démolit et il les jette sous le bus. Donc, 1, il est ingrat, et 2, il est dangereux. Et moi, je trouve que c'est vraiment dommage que finalement, à la fin, que j'ai toujours dit depuis le début aussi, c'est son héritage en tant que pilote qui en pâtira, parce que quand il quittera la Formule 1, on se rappellera que c'était probablement intrinsèquement un des meilleurs pilotes de l'histoire, sinon le meilleur pilote de l'histoire moderne de la Formule 1, mais qu'il n'a jamais été capable de se maîtriser en piste. Et c'est ce qui fera qu'il ne sera jamais à la hauteur, du coup, d'un Hamilton, par exemple, ou de pilotes comme ça, parce que on ne se rend pas compte à quel point le fait de savoir aussi gérer la pression dans les batailles et tout ça fait de toi un pilote. Pourquoi on se rappelle des grands pilotes? Parce qu'on se rappelle des grandes batailles. Je n'ai pas souvenir de grandes batailles en piste avec Verstappen. J'ai souvenir de batailles tendues, j'ai souvenir d'accrochages, mais pas de grandes batailles. Et ça continuera et ça continue encore. Donc c'est vraiment dommage. Et voilà. Et en fait, c'est vraiment le pire du Verstappen qu'on a pu voir, quoi. Et on en revient effectivement au propos de Zak Brown, il y a un Grand Prix qui disait qu'effectivement c'est Verstappen qui impose sa loi chez Red Bull, ouais. Parce que Red Bull doit compter quasiment uniquement sur lui pour survivre au championnat, pour faire des bonnes performances, et donc du coup Verstappen peut se permettre ce genre de choses. Horner a dit qu'il allait quand même essayer de recadrer en interne un petit peu Verstappen. Alors à mon avis le recadrage ça va être assez limité on va dire, hein, voilà. Mais en gros, c'est vrai que quand vous voyez maintenant comment les pilotes parlent de la concurrence, quand on comprend juste l'aspect sportif, ils disent plus on va battre les McLaren et les Red Bull, on dit on va mettre les McLaren, on veut, quand c'est Mercedes, on veut battre les McLaren et Verstappen. Ou si c'est les McLaren, on veut battre les Mercedes et Verstappen. Ils disent même plus le mot Red Bull, c'est même plus l'écurie Red Bull, c'est l'écurie Verstappen. Et en termes d'image aussi pour Red Bull, forcément, c'est quelque chose de catastrophique aussi, parce que ce n'est plus l'écurie Red Bull, c'est l'écurie Verstappen. Une écurie dans laquelle eh ben, effectivement un pilote maintenant arrive à imposer sa loi parce qu'il est tout seul, ouais. Personne n'ose lui tenir tête et son équipier n'est pas du tout là, n'est pas à la hauteur, non. Donc, et comme il est là pour sauver un peu les meubles par rapport à une voiture qui est de plus en plus difficile, ouais. Voilà, compliquée à la limite parce qu'il faut, il faut vraiment se cracher dans les mains pour aller sortir des chronos, et que maintenant on voit même que ça suffit plus, en tout cas même en course. Et bien effectivement toute la frustration ressort et Red Bull ils sont bien embêtés pour pouvoir le canaliser parce qu'il ne faut pas se mettre à dos. Si Verstappen a envie de se barrer et d'aller chez Mercedes, il peut très bien le faire, bien sûr. Donc voilà, c'est d'autant plus ironique que ça arrive, et je voulais aussi caser cette information là, qu'il y a eu une réunion au sommet quand même, entre tous les actionnaires de Red Bull. Il y a eu Chalerme, Dudivia qui était là, il y avait Oliver Minsaf qui était là, il y avait Horner, il y avait Marco, tout ça. Tout le monde s'est mis autour de la table pour un déjeuner en Hongrie. Je ne sais plus si c'était samedi ou dimanche, je crois que c'était dimanche. Effectivement, il y a pas mal de choses qui ont été mises à plat, qu'il y a des choses qui ont été dites afin de ramener le calme dans l'équipe. Il y a même une clause, le contrat de Marco qui avait été renégocié pour aussi ramener un peu d'ordre, tout ça, voilà, pour essayer de bien reséparer un petit peu les choses. Et alors que voilà, on est parti sur une remise à niveau un peu, une remise à niveau un peu, voilà, pour calmer les esprits chez Red Bull. Il y a Max Verstappen qui envoie valdaguer la table et qui fait tapis. Et maintenant, c'est en gros moi le patron et vous m'écoutez, quoi. Voilà, c'est vraiment dommage, mais bon, c'est le propre des grands pilotes de savoir s'imposer, mais c'est aussi le propre des grands pilotes de savoir calmer le jeu aussi et de mener leur équipe vers de nouveaux horizons quand ça va mal, quoi. Donc à Verstappen, hein, de montrer qu'il est capable de faire ça aussi. Et en fait, de toute façon, c'est auto-infligé par Red Bull puisqu'ils sont Verstappen dépendants. Et moi, ça me fait penser à l'époque où Ferrari était Schumacher dépendant, mais période Irvine. C'est-à-dire que quand ils étaient Schumacher dépendants, une fois que Schumacher a pu être là parce qu'il s'était blessé, ils ont dû composer avec un pilote qui était incapable de devancer clairement le remplaçant de Schumacher, qui a dû bénéficier de consignes et tout pour finalement perdre le titre. Et là, on se retrouve avec une équipe qui est totalement dépendante de Verstappen au point de ne pas pouvoir lui dire la vérité. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le renvoyer chier. Ils sont obligés de... Parce que là, ça fait depuis 2 jours qu'on a une espèce de campagne d'adoucissement de l'image de Verstappen dans les médias, en mode « Non, mais Lambiasé, quand il a dit childish, c'était pas pour lui. Quand il a dit machin, c'était... Alors que c'est bien sûr que si c'était pour lui, quand tu entends la manière dont Lambiasé dit « It's childish, Max », il le dit clairement pour lui. Et en fait, il y a cette espèce de campagne de genre « Mais non, on redore son blason », mais redorez pas son blason. Il vous a jeté sous le bus au premier coup difficile, quoi. Mais en même temps, s'ils le jettent sous le bus, ils ont plus Verstappen et ils ont que Perez avec soit Ricardo, soit Tsunoda et ça, et l'équipe perd en superbe. Donc, ils sont effectivement coincés par le système qu'ils ont mis en place depuis 2018, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est la première fois, 2018, où il y a un accrochage qui est dû à Max Verstappen qui se décale en zone de freinage, et où ils prennent la défense de Verstappen, donc avec son équipier, hein, puisque c'était à Bakou 2018 avec Ricciardo. Clairement, vous enlevez Verstappen de chez Red Bull, vous êtes peut-être même au niveau de la V-Carb, hein. Peut-être voire même à peine mieux. Hein. Ouais. Après, tu mets deux pilotes moins rapides, mais qui ne se crachent pas à chaque Q1, la voiture, elle est quatrième force du plateau, je pense, aujourd'hui. Bah, sur l'ensemble du début mieux. D'année, je pense qu'elle est deuxième encore ou troisième. Mais... Là, ouais. Là, ça coûte cher quand même. La question de Xoan, parce que c'est vrai, et c'est une question qui interroge beaucoup dans le chat, est-ce que Toto Wolff, comment Toto Wolff gérerait un comportement similaire? Puisqu'on sait que c'est compliqué, hein, parce que c'est pas du tout la même culture. Et est-ce que malgré tout, Wolff va quand même signer Verstappen s'il le peut? Alors oui, clairement, parce que Verstappen, malgré tout, et malgré le ressentiment qu'il me fait ressentir parfois, c'est le meilleur pilote du monde, donc effectivement, s'il peut venir dans ton équipe, il vient. Par contre, effectivement, il faut mettre sur la table 2-3 trucs en lui disant nous on n'est pas dépendant de toi parce qu'ils ont Russell à côté, donc si jamais ils se barrent, ils se barrent au pire. Deux pilotes, hein. Voilà, c'est ça, hein. C'est la différence en fait, de Mercedes, c'est qu'ils le ménageront pas parce que eux, bah, si au pire Verstappen fait un caca nerveux et part au bout de 2 ans, ils ont toujours Russell, donc en fait ils ont un pilote qui vaut aussi un titre mondial, et c'est pour ça je pense que bien sûr qu'il le prendrait, mais je pense qu'il serait beaucoup moins, il y aurait beaucoup moins de complaisance envers son caractère. C'est certainement aussi ce qui retient Verstappen chez Red Bull, c'est qu'il sait très bien que la place qu'il a là-bas, une place en or aussi, oui, qu'il aura jamais ailleurs. Donc, et qu'il ne pourra jamais imposer ailleurs. Il pourrait peut-être imposer, je ne sais pas, peut-être un jour chez Ferrari. Effectivement, il pourrait peut-être le luxe de choisir son équipier. Mais chez Mercedes, ce n'est pas du tout la culture. La culture chez Mercedes, c'est deux pilotes traités à égalité au maximum. Et on la joue vraiment très sportivement. Et il est hors de question que les pilotes haussent le ton. Et pourtant, Dieu sait que Lewis Hamilton c'est parfois montrer des signes de mécontentement, mais c'est toujours avec une certaine limite, c'est jamais des insultes comme on a pu en entendre pendant le Grand Prix. On a eu une compilation d'insultes envers Red Bull, mais je veux dire, c'est limite de la diffamation envers votre employeur. Vous pouvez être convoqué à un conseil de discipline si vous faites ça à votre patron lundi ou mardi quand vous arrivez dans votre entreprise. C'est grave à ce niveau-là. Ouais. Clairement. Horner a réagi à ses insultes. Bah, Horner a dit qu'il n'y avait rien de méchant, hein, que c'était pas grave et que tout allait bien. Mais que ça se ferait en interne quand même, qu'on discutera en interne. Oui, oui. Voilà. Mais il y a toujours un peu ce côté, tu sais, genre, bah, c'est Max, quoi, en gros. Ouais. Qui est un peu désagréable. Harry Portier demande si Russell n'est pas sur le départ chez Mercedes, pas du tout. Hein. C'est. Il y a eu des rumeurs comme quoi, parce que finalement, peut-être qu'il voudrait faire venir Verstappen ou Antonelli, mais Russell, il a sa place, en fait. Russell, ça fait quasiment 10 ans que Mercedes capitalise dessus. Ils ont dépensé un fric pas possible pour l'amener en Formule 1. Et aujourd'hui, c'est un pilote qui vaut Lewis Hamilton. Donc, à aucun moment, tu t'en sépares. Je veux dire, Russell, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est top 5 mondial. Donc, on s'en sépare pas du tout. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'Antonelli n'aura pas sa chance si par exemple Verstappen peut signer, parce qu'à aucun moment tu mets un Antonelli à la place d'un duo Verstappen-Russell. Quoi. Avec une F1 aussi compétitive que le Canelé aujourd'hui, il faut deux pilotes pour se battre. Donc, ouais. C'est là que d'accord, du coup, le système Red Bull a montré sa limite. Hein. Et c'est ce qui fait que les équipes n'ont plus de pilotes payants. Chez Aston Martin, c'est pas un pilote payant, c'est juste le fils du patron. Mais... Et encore que le fils du patron fait des bonnes pertes cette année. Mais. Mais malgré tout, on a quand même de moins en moins de pilotes payants, même dans les équipes de fond de peloton, parce qu'en fait, ça ne fonctionne plus. Et chaque point, chaque performance est nécessaire. Et on a besoin d'avoir des duos équilibrés. C'est ce qui fait aussi que les équipes à duos équilibrés fonctionnent. Mercedes, McLaren, Ferrari, c'est des équipes qui marchent bien parce que les pilotes sont complémentaires, sont à un niveau similaire. Le nombre de qualifs où on voit des Leclerc-Sainz dans le même dixième, des Piastri-Norris. Alors, Norris a un petit avantage, mais il est jamais très loin, Piastri. Et Hamilton-Russell, c'est pareil, c'est même des fois dans le même centième. Donc, Gasly-Ocon, tout à fait. Après, le problème vient de l'équipe. Mais les duos qui sont équilibrés en termes de performance fonctionnent bien. Et ça, c'est factuel dans la F1 moderne. Red Bull, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On pourrait passer encore 2 heures si on voulait, mais bon. On avait même pensé faire une émission spéciale l'autre jour en discutant. On va parler de la deuxième équipe RBF1, puisque Yuki Tsunoda termine 9e, Daniel Ricciardo termine 12e. Il était très en colère parce que la stratégie qui lui a été faite n'a pas fonctionné. Yuki Tsunoda partait 10e, fait une stratégie à un seul arrêt, donc il a fait deux très longs relais. Ça a été plutôt efficace de sa part, malgré un accident, un gros accident en qualif. De la chance de ne pas partir en pitlane d'ailleurs. Ouais, tu vas dire, tu vas peut-être rappeler pourquoi, parce que beaucoup de gens pensaient qu'il partirait de la pitlane du coup. Et oui, alors beaucoup de gens pensaient qu'il partirait de la pitlane parce qu'il a changé de châssis. Mais en fait, alors il y a une subtilité dans le règlement technique, dans le règlement sportif, pardon, qui dit que si l'équipe a un châssis de remplacement qui est pré-monté, donc ça inclut la monocoque, mais aussi une partie des pièces liées à la suspension, à ce genre de choses et tout ça. Si cette pièce-là est pré-montée avec les spécifications similaires à celles de la voiture de base, eh ben, le changement de châssis n'est pas considéré comme un changement de châssis, mais juste comme un changement de pièce. Et du coup, il n'y a pas de, la règle du parc fermé n'est pas brisée et la voiture peut partir à la même place. Mais souvent, ouais, c'est quasiment un mulet pour parler d'une F1 d'il y a 20 ans, mais factuellement c'est un peu ça. Et après, les équipes n'ont pas toujours cet ensemble de pièces là disponibles parce que souvent la cellule de survie peut être changée juste sans le reste et tout ça. Donc il y a c'est aussi se priver de flexibilité en termes d'usage des pièces que de prémonter cette grosse partie là. Donc c'est pour ça que Perez et Tsunoda ne sont pas partis des stands malgré un changement de châssis dimanche. On le rappelle, il n'y a que Bottas qui a émulé. Oui, absolument. Et un très joli. donc voilà, du coup, course stratégiquement réussie pour Tsunoda, stratégiquement ratée pour Ricciardo, qui était un petit peu en colère, mais parce que lui, il voulait briller. Hein, il a dit samedi qu'il jouait les deux plus gros week-ends de sa carrière. Donc vous en tirez les conclusions que vous voulez, mais clairement, on a Ricciardo qui sait que le retour chez Red Bull est à une portée de tir d'un bon résultat et je pense que ça va être son objectif à Spa-Francorchamps. Mais en tout cas, voilà, le week-end était plutôt solide, hein. L'équipe était clairement, clairement dans le top 5 des équipes en qualif et en course quand même malgré tout. Alors, ils ont réussi à bien faire les choses pour être devant Aston Martin par exemple, mais c'était plutôt solide par rapport au dernier week-end qui avait été un peu difficile. Oui, non, bon, rien à redire de particulier sur le week-end de RBF1, ils sont à peu près à leur place. Effectivement, la déception pour Ricciardo qui voit sa stratégie un peu ruinée par l'équipe, il n'était pas très content là-dessus. Après, malheureusement, voilà, c'est qu'il n'y a que 10 pilotes qui marquent et dans un peloton aussi serré que ça, il faut bien des gens qui se cassent hors du top 10, malheureusement. Quand même plutôt bien aimable, je trouve, avec la deuxième position. Il a tout à fait prouvé qu'il avait roulé à un très très bon niveau tout le week-end aussi, donc je ne pense pas qu'on lui tienne rigueur de cette position à l'arrivée en tout cas. Et voilà, c'était effectivement un week-end très solide encore de Tsunoda malgré son accident. Effectivement, c'est Xuan qui le dit. Effectivement, cette partie du circuit était vraiment très mal faite avec effectivement l'astroturf et un décroché dans le vibreur qui emmenait les monoplaces. C'est pas que les monoplaces. Il y avait un pilote de Porsche Super Cup qui l'avait signalé dès le vendredi qu'il y avait un souci effectivement de trou là à ce niveau-là. Un gros carton rouge à Lutwitich qui est le garant de cette sécurité-là, hein, sécurité hors bord de piste, et qui est du genre à ne pas écouter les pilotes quand il y a des feedbacks. On se rappelle de Miami 2023. Et malheureusement, il y aura peut-être un jour un drame à cause de lui. Mais ça, c'est, C'est un pilote de Porsche, il me semble, qui avait relevé effectivement le fait qu'il ne fallait pas du tout mettre les roues à cet endroit-là. ça n'a pas loupé pour Yuki qui a décollé, qui aurait pu même finir en tonneau hein, s'il avait pris plus d'angle. Ou dans le grillage. À la manière de Joe à Silverstone. Ça aurait pu être effectivement bien plus grave. Bon, ça, voilà, le circuit qui coûte cher à RBF1 sur ce coup-là. La monoplace est toujours assez solide en milieu de peloton, donc ça avance bien. Effectivement, après Ricciardo qui dit qu'il joue son avenir, alors est-ce qu'il joue son avenir chez RBF1 ou chez Red Bull, à voir. En tout cas certainement au moins chez RBF1 et avec un peu de chance pour lui chez Red Bull. Malheureusement, soyons clairs, si on le voit chez Red Bull sur la deuxième partie de saison, soit c'est pour un baroud d'honneur, soit il explose face à il explose vers Patlen, et à ce moment-là il le conserve, mais j'aurais quand même un peu de mal à y croire. Mais s'il arrive à exploser vers Tapen, bravo à lui, parce que du coup ça serait vraiment inattendu. Un Ricciardo qui revient à son niveau de début 2018, ce serait vraiment la plus grosse carte de bingo à sortir de l'année quand même. C'est ça, voilà. Mais bon, après, un pilote acculé dans ses derniers retranchements, on ne sait pas de quoi il est capable, pourquoi pas, hein. Moi je suis preneur des jolies histoires, comme j'aime bien le dire, comme la victoire d'Hamilton à Silverstone, je trouve que c'est une jolie histoire. Et si Ricciardo a la capacité d'avoir ça fera quoi du coup une dizaine de courses, du coup 10 courses chez Red Bull, et que ça se passe très bien pour lui, et qu'il peut être prolongé en 2025 chez Red Bull, Pourquoi pas? Why not? Mais j'ai plutôt tendance à penser qu'il serait plutôt placé là pour un baroud d'honneur. Ouais, moi aussi. Et que du coup, comme on n'aura pas tenté la carte jeune, il y aurait peut-être un Carlos Sainz qui serait signé derrière. Ça, on revient au scénario qu'on évoquait tout à l'heure. Mais bon. En tout cas, Ricciardo, c'est clair, il joue son avenir sur ce Grand Prix et sur ce Spa. Voilà. Il est bien d'accord. Bon, pas grand-chose de plus à dire sur RBF1, hein, c'était globalement pas mal. Aston Martin, alors Aston Martin, on l'a su un peu plus tard, mais il y a eu aussi une gestion de consignes assez catastrophique. puisque donc les deux pilotes Aston Martin étaient dans le siège de Tsunoda, enfin 4 secondes derrière, et Alonso n'arrivant pas à remonter, à aller chercher Tsunoda, l'ingénieur de Stroll lui a dit tu peux passer Fernando et si jamais tu n'arrives pas à chercher Tsunoda, tu lui redonnes la place. Donc Stroll est passé, il a dit alors de toute façon j'aurais pu dépasser Fernando moi-même en gros, puis il a pris la place donc sur ordre de consigne. Il a essayé d'attaquer Tsunoda, ça n'a pas fonctionné, et à deux tours de la fin dans le dernier tour il lui a dit tu rends la place à Fernando s'il te plaît, et là la radio est restée muette. Totalement muette, et il n'a jamais rendu sa place. Donc, voilà, c'est un petit peu problématique. N'a été évoqué que parce qu'on a vu les radios, les radios. Les deux pilotes n'ont pas parlé du tout, l'équipe n'a pas parlé du tout dans les interviews, même Alonso ne l'a pas mentionné d'ailleurs. Donc, non. Après, bon, on connaît la position de Lance Stroll, forcément, fils du patron. Je pense qu'Alonso, pour une dixième place, ça l'a un peu saoulé aussi. Donc, je pense que tu vas gueuler auprès de Laurent Stroll en disant bah, « il s'est passé ça », il va dire « oui, et alors ?» T'as qu'à pas le laisser passer. C'est mon fils, c'est pas grave, c'était bien, il a fait de belles courses. Voilà, petite polémique, mais voilà, c'est... Ouais, bah, dans une autre équipe, ça serait monté en épingle, hein, soyons clairs. Là, bon, bah, vu que Lance est effectivement le fils du proprio, et que ce n'est que la dixième place, aussi, je pense que. En tout cas, ça n'a pas du tout été évoqué. Il a fallu attendre d'écouter les radios de l'équipe pour tomber là-dessus, quand même. Donc, c'est assez fou, quand même. Voilà, Bon, l'avantage, c'est qu'ils donnent tous les deux à peu près 5 mots en conférence de presse après chaque séance, donc c'est difficile d'évoquer quoi que ce soit avec eux. Je faut pas oublier qu'on a réussi à faire une déclaration de Lance Stroll qui faisait une ligne et demie, et ça représentait 3 questions. Voilà, donc c'était quand même un peu chaud en termes de feedback. Alors il y a aussi eu l'histoire de la qualif où Alonso était hors de lui parce qu'il a été appelé au parc fermé. Alors il s'est garé là, les voitures Apex là, du film. Ça, je pense que ça n'avait pas de lien avec le fait qu'il était appelé au parc fermé. C'est-à-dire qu'il a été appelé au parc fermé parce que les voitures Apex étaient déjà, je pense, pour faire pour tourner des images en fait, de parc fermé, tout simplement, avec les voitures dedans. Par contre, effectivement, il a été appelé alors que la séance allait redémarrer. Et en fait, il a commencé à sortir de la voiture et tout ça. Et au moment où il s'est rendu compte que la séance allait être relancée, il n'était pas content du tout d'avoir été mis au parc fermé. Mais là, c'est plutôt une erreur des commissaires qui l'ont redirigé vers cet endroit, je pense. Ou même la radio, j'ai pas écouté la radio complètement, mais une erreur de la FIA. D'ailleurs, il y en a jeté sa casquette et son manteau par terre. Ouais. Il est allé voir Mohamed Ben Sulayem d'ailleurs après derrière pour bien lui faire comprendre que c'était n'importe quoi. Voilà, petite polémique. Heureusement, il avait plus d'autres possibilités d'améliorer, donc ça lui a pas coûté grand chose. Mais c'est vrai que ça arriverait à quelqu'un qui joue la poule. On aura entendu beaucoup plus parler. Clairement. Mais en tout cas, je pense pas que ça ait des liens spécifiques avec les voitures Apex. Hein. C'est juste une erreur. Non, et faut bien comprendre que les voitures Apex ne tournent jamais dans les séances chronométrées et ne sont jamais appelées en piste ou dans l'environnement de course pendant que les autres pilotes roulent. Donc, Étoile Polaire, c'est possible qu'ils roulent à Spa. Hein. Je crois qu'ils y seront l'équipe du film. Je pense qu'ils vont essayer de continuer. Ils ont déjà des images de Spa, mais c'est des images numériques. Je ne sais pas s'ils vont en faire des réels ou pas. J'aimerais bien envoyer Brad Pitt face à Max Verstappen pour voir. il va lui faire un Fight Club, ça va être autre chose. voilà, mais bon, Aston Martin, dans le ventre mou du peloton, hein, c'est maintenant le lieu où est l'équipe. Les pilotes, parce que oui, c'est un peu le gros problème, c'est qu'il y avait une évolution sur laquelle beaucoup de monde dans l'équipe comptait. Et que dès vendredi, les pilotes ont commencé à gueuler à la radio que l'évolution n'était pas bonne et que la voiture était difficile à conduire. Et visiblement, l'évolution n'apporte pas les performances escomptées. Quoi. Donc, eux aussi, la fin de saison risque d'être un petit peu compliquée. Ouais, il faut espérer pour eux qu'ils arrivent à convaincre Adrien Newey hein, pour 2026. Ce serait un petit peu la carte que Fernando Alonso pourrait attendre, la carte miraculeuse. Parce que soyons clairs, si ça continue comme ça, bon, 2025 sera une purge. Et 2026, ça sera qui tout double, clairement. Donc, c'est là-dessus que ça va jouer pour Fernando. Là, on sent qu'il en a un petit peu rien à faire parce qu'il sait très bien qu'il n'y aura pas de podium cette année, sauf grosse surprise. Ou course sous la pluie ou circonstances un peu sympathiques. Mais à voir, peut-être à Spa, ça ira un peu mieux, parce que la voiture va quand même un petit peu mieux sur les circuits rapides, comme on l'a vu à Montréal. Peut-être qu'à Spa, ça peut jouer un poil mieux. Mais là, c'est vrai qu'en Hongrie, ils n'ont pas réussi à trouver des réglages pour ces pièces-là, et c'est pas top, quoi. Donc, on sent un peu les limites de Dan Fallows tout seul, et qui, du coup, va être renforcé par Enrico Cardile. Je crois que c'est au 1er octobre qu'il arrive, il me semble bien. En tant que directeur technique en chef. Donc, au début, on croyait que Cardile prendrait la place de Fallows. En fait, Cardile viendra se placer au-dessus de Fallows. Donc, un petit désaveu quand même pour Fallows. Voilà. Oui, clairement. Et c'est vrai que si New Way revient, il sera encore du coup dans les vraiment en bras droit ou employé de New Way, quoi. Donc, c'est un peu là ce qu'on pensait être pour lui la grande occasion. Finalement, c'est pas ça n'a pas tourné comme il l'espérait. Donc voilà, après bon, pour Aston Martin, c'est donc un petit peu compliqué. Ça l'a été aussi pour Haas, hein, Hülkenberg 13e, Magnussen 15e. On est loin des deux 6e places qu'avait enchaîné l'équipe en Autriche et à Silverstone. Pas grand chose à dire de ce côté-là. Hülkenberg se loupe vraiment sur son départ. Il est vraiment le premier relais. C'est ça qui lui coûte peut-être une position dans les points, en tout cas d'après lui. C'est ce qu'il a dit en fin de course. Mais effectivement, bon, la Haas c'était à peu près à sa place en Hongrie, mais pas assez nettement dans Q3 pour pouvoir jouer quelque chose de plus solide en course. Mais voilà, ça reste effectivement quand même très, très solide et mieux que Alpine. Voilà, pour se projeter pour un prochain pilote français qui devrait annoncer sa signature pour cette équipe d'ici quelques heures ou jours au maximum. Voilà, donc pour Esteban Ocon, voilà, clairement qui devrait signer chez Haas. Soit demain, soit jeudi, il annonce a priori. Et voilà, donc voilà, il faut de temps en temps des équipes qui sont pas dans les points, et Haas en fait partie sur ce grand prix. Là, ils étaient pas très loin, ils étaient dans le peloton qui était à la chasse de Stroll et compagnie, donc. C'est pas des dizaines de secondes derrière, c'est pas 5 secondes, 10 secondes derrière, voilà, c'est dans la boîte de vitesse, hein, c'est dans le train DRS, c'est dans tout ce que vous voulez. Clairement. Tout ça joue ensemble. Non, c'est bien, et puis encore une fois, si ça c'est leur mauvais week-end, c'est bien pour une équipe qui l'an dernier était vraiment nulle part en Hongrie, alors qu'elle amenait sa seule évolution de l'année, hein, faut pas oublier, donc... On voit le chemin parcouru par l'équipe en termes de philosophie et de progrès. Et n'oublions pas que c'est l'équipe dans laquelle devrait être annoncé dans les prochaines heures Esteban Ocon. Donc c'est plutôt prometteur. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Williams, c'est pareil. Hein, Williams, c'était piste chaude, piste lente. C'était pas l'idéal pour la FW46. Alex Albon termine 14e. Logan Sargeant termine 17e. Les deux étaient en Q2. Les deux sont passés en Q2, mais on n'a pas réussi à atteindre la Q3. Albon était un peu déçu parce qu'il pense qu'il aurait peut-être pu l'atteindre, mais Sargeant a cassé la voiture avec sa petite sortie qui a un peu compliqué les choses, mais ça a été un week-end un peu à oublier, mais pas non plus le pire qu'ils aient connu. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein, malheureusement. C'était assez anecdotique, ça n'allait pas pour eux, mais dans le déroulé de la course en tout cas. C'est moins pire que les années précédentes, on va dire. Quoi qu'on a connu des bonnes Williams, hein, des fois en Hongrie aussi. On se souvient de Latifi qui avait fait une super stratégie pour aider Russell à marquer des points à une époque. Mais c'est vrai que c'est pas la monoplace la plus adaptée au tracé hongrois. Effectivement, la Q3, ça aurait été très très limite à jouer. Donc voilà, chronométriquement parlant, on va dire, ça jouait pas le top 10 à la régulière sur ce Grand Prix-là. Donc comme toujours pareil, il faut des gagnants et des perdants. Williams, c'est plutôt du côté clairement des perdants, qui ne pouvaient pas vraiment jouer les points à la régulière sur ce Grand Prix. De toute façon, on sait que l'équipe est en train de se redévelopper et qu'elle met aussi. Qu'elle ne vise pas, elle course par course, elle vise quelque chose de plus global et de mieux, d'avoir une meilleure, un meilleur fonctionnement global quand tu arriveras à 2026. Donc, ils encaissent les mauvais résultats de manière un peu... ok, c'est dans le plan, quoi. L'actualité de Williams, c'est effectivement plus le deuxième pilote. Effectivement, c'est, voilà, c'est Wolff qui a dit qu'il voulait se décider cette fois-ci avant la pause estivale. Donc, ça veut dire dans la semaine qu'il chie Spa, parce qu'il faut savoir qu'après Spa, les équipes, les usines restent encore ouvertes une semaine avant la fermeture obligatoire de 15 jours successifs pour tout le monde. Et donc, voilà, il pourrait y avoir une annonce du pilote à ce moment-là, pendant cette semaine-là, ou à la rentrée, s'ils ont pas envie de communiquer en plein milieu du mois, enfin, au tout début août, ce qui est possible aussi. Donc voilà, c'est. James Vos a clairement perdu patience avec Carlos Sainz, clairement. Et donc, le candidat tout désigné pour le remplacer, c'est quand même Valtteri Bottas. Il y a eu des rumeurs avec Esteban Ocon qui s'est bien rendu à l'usine Williams. Voilà, ils ont quand même voulu tester le gabarit d'Esteban dans le châssis. Voilà, parce que le châssis 2024 servira en 2025, hein, puisque les monoplaces évolueront. Après, Albon fait la même taille, hein, donc normalement, il n'y a pas trop de. Ouais, mais la même taille en hauteur, mais il y a des. Apparemment, ce qu'il disait James, il n'a pas les mêmes gabarits un peu partout sur le corps, donc notamment, je pense que ça va être certainement au niveau des hanches. Ou au niveau des épaules. Et bon, après, ils n'ont pas dit s'ils rentraient ou s'ils ne rentraient pas. Ils ont en tout cas juste dit qu'effectivement, cette possibilité de voir Esteban soit se débarquer en milieu de saison à la place de Sargent, mais bon, Alpine a mis son veto de toute façon sur cette hypothèse-là, parce qu'il est hors de question de laisser partir un pilote qui marque des points quand c'est possible pour la concurrence qui pourrait les rattraper au championnat constructeur. Et voilà, et de toute façon, Esteban Ocon n'est pas non plus. Il ne voulait pas non plus jouer pour Williams pour l'année prochaine. Donc. Il est plutôt sur la piste As, donc ça aurait été un peu curieux de faire 10 grands prix comme ça chez Williams avant de partir chez As aussi. Donc, ouais. Donc voilà. Mais bon, il s'est bien rendu quand même chez Williams. C'était pas si récent que ça, a priori. C'était peut-être il y a 2 ou 3 semaines, a priori. Donc peut-être qu'il ne s'était pas encore décidé entre Williams et As. Peut-être que Wolff n'avait pas non plus totalement fermé la piste Ocon non plus, parce que c'est vrai qu'il avait eu des mots un petit peu sans trop d'ambiguïté après l'incident de Monaco avec Gasly où Wolff avait semblé un petit peu écarté Ocon des possibilités. Voilà, c'était quand même à noter qu'il y a eu une petite visite de courtoisie, on va dire. Tout à fait. Ah. Et du coup, effectivement, pour l'instant, c'est Bottas qui aurait quand même l'avantage, sauf si Sainz fait un retour surprise. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, les équipes vont perdre patience et refuser même que Sainz fasse un retour surprise. On va parler de Steak F1. Alors on va parler plutôt d'Audi, parce que Steak F1, il n'y a pas grand chose à dire, hein. 16e pour Valtteri Bottas, 18e place pour Guanyu Zhou éliminé en Q1. Bon, ils étaient là, quoi, hein. C'est acte de présence, les pilotes demandent des évolutions, l'équipe en amène presque pas, voilà, c'est... Il y en a un petit peu, comme ce petit là. Peu. C'est pour ça que j'ai dit presque, parce qu'il y a un petit peu d'évolution, mais quand t'amènes 3 pièces nouvelles en 2 Grands Prix à des pilotes qui te demandent des évolutions depuis 3 mois, je pense que ça tire un peu la gueule quand même au moment de prendre la piste. Bah, la peinture verte, elle va être trop lourde, à mon avis. Pourtant, il n'y en a pas beaucoup. Hein. ça reste très, très mauvais, malheureusement. Et ça, d'ailleurs, ça explique aussi ce qui se passe en coulisses, la nouvelle que vous avez vue aujourd'hui. Notamment, parce qu'on va vite enchaîner là-dessus, puisqu'on n'a pas grand-chose à dire. Oui, on peut passer au deuxième chapitre, qui est le retour du roi, Mattia Binotto, qui revient en Formule 1. Alors, je ne sais pas juste si les gens avaient suivi un petit peu sur Next Gen Auto, on avait parlé quand même il y a quelques jours déjà, un petit peu avant tout le monde d'ailleurs, sur le fait qu'il y avait du rififi entre Hoffman et Seidel sur la ligne, du rififi sur la ligne sur comment restructurer Inwil et faire progresser la technique là-bas. Et ils en avaient tous les deux appelé au conseil d'administration à trancher. Finalement, le conseil d'administration a tranché, les deux dégagent. Voilà. Donc Hoffman, qui était le PDG en charge du sport chez Audi, et Seidel, qui était du coup le directeur, le PDG de Sauber, en charge effectivement de la transition vers Audi F1. Et ben voilà, les deux n'ont pas réussi à s'entendre ou à se mettre d'accord. Ils ont demandé à Audi de trancher. Finalement, Audi a décidé, ok, on tranche. Ben, les deux ont dégagé du coup. Donc voilà, on avait effectivement évoqué ces bruits de couloir qu'on pensait pas aussi fort finalement, au point de les dégager tous les deux. Andrea Seidel quand même qui a quand même fait une croix sur une belle carrière chez McLaren F1, quand même, hein, il était quand même très apprécié chez McLaren, pour rejoindre Audi, pour se retrouver maintenant sans rien. Effectivement, le retour de Mattia Binotto, en Formule 1. Donc, c'est un peu inattendu, mais certainement en double poste. C'est vrai qu'on ne sait pas trop ce que deviendra Bravi. Est-ce que Bravi restera un peu son bras droit à côté pour toute la partie sportive? Mais bon, Binotto est clairement en charge de leur restructuration technique, de faire les choix, de réorienter l'équipe, parce que là, c'est vrai qu'ils se sont perdus totalement. Et voilà, alors je sais que Binotto, il est pas toujours très apprécié, parce que pour beaucoup, c'est celui qui n'a pas réussi à faire gagner Ferrari, mais ça reste quand même un homme qui a réussi à redresser comme la Scuderia jusqu'à un très bon niveau, et qui, pour ce genre d'équipe-là, qui part d'aussi loin, pourra faire un bond géant avec quelqu'un comme Binotto, qui connaît très très bien les grosses structures. Donc, quand on avait un challenger comme Audi qui arrive avec énormément de personnes pour la partie moteur, plus la partie huile à faire évoluer, avoir quelqu'un comme Binotto qui sait gérer les grandes organisations et surtout le fait de faire fonctionner châssis et moteur ensemble, et donc des départements qui normalement se causent pas trop, c'est très bien. Donc, du coup, je peux dire que ce n'est qu'un excellent choix. Après, le problème, c'est qu'effectivement, on n'a pas trop les détails de ce qui se passait en coulisses en termes de problèmes. Donc, il faudra attendre que Andreas Seidel s'exprime sur le sujet pour qu'on comprenne un petit peu le tenant et les aboutissants des soucis rencontrés pour faire évoluer Sauber. C'est ça. Alors, nos amis dans le chat sont un petit peu taquins, hein, puisque Dave Murray nous demande s'il y a trop de dilettantisme chez Audi et Sauber. Et Otago nous dit qu'il faudra embaucher Famin pour trancher dans le vif. Manifestement, le conseil d'administration a tranché dans le vif de manière très claire en virant les deux. J'ai eu beaucoup de critiques sur Binotto aujourd'hui. Alors, je suis un peu, comment dire, je comprends, parce que Binotto n'a pas toujours eu une com parfaite. Mais Binotto a quand même fait des très belles choses avec Ferrari. Il a quand même fait un très très bon moteur, bon, qui malheureusement était dans une zone grise du règlement, pas vraiment illégal, mais pas vraiment légal. Mais il a fait un très bon moteur. Et 2022, c'est lui qui a coordonné ce retour aux avant-postes de Ferrari après 2 années et demie difficiles. Donc je trouve ça un peu, enfin, je trouve que les gens sont un peu méchants de dire que Binotto, par rapport à Seidel, c'est moins bien. Alors que Ce que finalement, je disais, c'est pour que cette équipe-là, au niveau où ils en sont, c'est quelqu'un d'excellent. c'est ça. Voilà. Mais même en fait par rapport à Seidel, du coup, je trouve que Seidel, en fait, c'est tout le monde glorifie son palmarès parce qu'il y a Porsche en WEC et qu'il a gagné les 20 Heures du Mans, qui était champion du monde d'endurance. Mais le palmarès en Formule 1, oui, il y a la victoire, il y a une victoire avec McLaren, mais c'est tout. Et alors, malheureusement, la gestion de l'équipe, c'est déjà plus lui, quoi. Donc depuis un moment, donc je trouve un peu, je trouve un petit peu moche les critiques sur Binotto, et surtout les comparaisons avec Seidel, qui finalement pour moi sont plutôt à son avantage à lui. Qu'à l'avantage de l'allemand. Par ailleurs, c'est vrai que du coup, j'ai l'impression que Audi fait des changements parce que le projet n'avance pas comme il le voudrait, et notamment parce qu'ils n'arrivent pas à attirer des pilotes. Mais j'ai l'impression qu'en faisant des changements comme ça, ils vont avoir du mal à attirer des pilotes, en fait. Ils ont un pilote qui est Nico Hülkenberg, mais je ne vois pas qui ils vont mettre avec lui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui va être intéressé pour aller là-bas dans ce chantier excès. Et même Hülkenberg, je me demande s'il ne regrette pas un petit peu sa décision, quoi. C'est dur à dire. Après, qui peut y aller? Il y a des petites rumeurs comme sur Mick Schumacher qui serait de nouveau en odeur de sainteté pour Audi. Ce serait peut-être pas si mal que ça. Un duo allemand, 100% allemand pour débuter, ça peut être sympa pour en parler, pour relancer un peu en Allemagne, notamment la F1 qui a bien besoin de coups de boost, hein, depuis qu'ils ont perdu Schumacher. Voilà, parce que Mercedes. Malgré tous les exploits que cette équipe a fait, c'est pas ça qui a fait non plus beaucoup rayonner la F1 en Allemagne en tant que constructeur. Donc voilà, Audi a bien conscience que le fait d'avoir des pilotes allemands, c'est aussi très très important pour parler au public allemand. Donc oui, pourquoi pas réaligner quelqu'un comme Mick Schumacher qui est de nouveau un petit peu en retour sur le marché des pilotes avec des possibilités de revenir. Elles sont peu nombreuses, elles sont pas énormes. C'est pas le favori, mais voilà, ce serait pas illogique, quoi. Mais c'est vrai que le projet Audi, alors peut-être qu'avec Binotto à la barre, Carlos Sainz pourrait se dire, ah tiens. Il y a eu la question tout à l'heure, et puis là, Catching Tails en reparle encore. Oui, ils s'entendent bien, Binotto et Sainz, mais de là à faire que Sainz donne la priorité à Audi maintenant, juste parce qu'il y a une personne à la tête qui a changé, j'ai du mal à y croire. Je Pour sais moi, pas, ça je reste pas sais le pas projet qu'il le y a des. plus. Je sais pas quelles étaient les relations de Sainz avec Seidel, notamment. Je sais pas, Ouais. voilà. C'est compliqué. Hein, là, pour le coup, il faut vraiment dans les coulisses. Et comme c'est, en plus, c'est un projet qui est en train de se mûrir en fond, donc qui C'est n'est même pas ça. exposé médiatiquement et publiquement, on a beaucoup de mal à savoir ce qui se passe. Donc, même voilà, ce qu'on vous expliquait, c'est que quels étaient les niveaux des désaccords, sur quoi ils s'effritaient, voilà, sur quoi ils n'étaient pas d'accord en termes de recrutement, en termes de d'investissement, voilà, que sais-je sur les effectivement tous les sujets à trancher quand on monte une équipe constructeur. On n'a pas tous ces détails-là. C'est tellement enfoui. Déjà que Stake, on en parle peu. Oui. qu'ils font déjà pas un travail excellentissime cette année, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, Dieu sait qu'ils ont quelqu'un de valeur comme James Key qui est là-bas. C'est sur ça, moi, qui me chagrine un petit peu, parce que c'est que je pense que James Key, du coup, soit le pauvre, il est vraiment pas bien épaulé là-bas, soit c'est lui qui est parti en. Voilà, qui n'est plus du tout sur la bonne voie sur la partie effet de sol. Mais voilà, c'est vrai que c'est une équipe qui s'est un peu éloignée publiquement et médiatiquement des hautes sphères de l'avant-poste de la F1, et du coup on a beaucoup moins de retomber sur ce qui s'y passe, quoi. Et même le Blic, hein, qui est très très proche de cette équipe, avoue qu'elle-même a très très peu d'infos. On a un Roger Benoît qui est un journaliste spécialisé d'Inuil, qui a ses sources et tout. Même lui, il dit qu'il est beaucoup beaucoup d'opacité sur ce qui se passe en ce moment à Huil, donc c'est pour vous dire à quel point il est très difficile de vous dire aujourd'hui en tant qu'analyse ce qui se passe pas bien et pourquoi cette équipe n'attire pas, quoi. Voilà. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Alka demande pourquoi Bottas est 21e au championnat. Simplement parce que Berman a marqué des points pour Ferrari en Arabie Saoudite, et du coup ils sont effectivement 18 à avoir marqué des points, et Bottas c'est celui qui a le moins bon résultat entre Joe, Sargent et lui, qui sont les trois qui n'ont pas marqué de points. Donc dans le classement, il est dernier. Là, on replète pour un Bahrain pour aller plus loin que le top 10. Non, moi ça ne me dérange pas. Est-ce que Stake mérite vraiment de marquer des points? Est-ce qu'ils font cette année? Franchement, je ne suis pas convaincu. On a eu pas mal de propositions dans le chat de pilotes pour aller chez Audi. Il y a des gens qui ont dit pourquoi pas Perez. Donc Perez-Hülkenberg, on reformerait le duo 2015-2016 chez Force India. Des gens ont proposé Magnussen pour reformer directement le duo de Haas l'an prochain. Et la troisième proposition, c'était pour Cher. Et c'est vrai, qu'est-ce que c'est pas le moment pour Audi et pour Sauber de dire on a élevé ce pilote, on lui a donné des moyens et tout ça. Il a l'air d'être bon quand il est à peu près partout. Il a fait des tests en F1, il était correct, voire bon dans ses essais libres. Est-ce que c'est pas le moment de prendre un peu de risque et de mettre un pourcher, même si pourcher Audi, je suis d'accord, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Il n'y a pas grand chose d'intéressant commercialement, j'entends. Mais voilà, est-ce que ce serait pas le moment? Après, est-ce que Audi veut des voitures avec le Intermarché dessus? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que potentiellement, si on veut du jeune pilote, il est bien placé. Le problème, effectivement, c'est quel est. Et là, pareil, on n'a pas non plus l'information. Quel est le niveau de table rase que Audi veut faire chez Sauber? Pour Cher, c'est un pilote Sauber, c'est pas un pilote Audi. Oui. Donc, certes, a été élevé et nourri au grain et à une huile, si on peut dire comme ça. En plein air. En plein air, ouais, voilà, exactement. Mais il n'a rien à voir en termes d'image avec Audi. Et voilà. Et là, peut-être qu'un Binotto qui a peut-être un peu plus d'acquaintance avec les jeunes pilotes. Il a quand même géré une Scuderia Ferrari Academy, notamment, pourrait essayer quand même d'imposer effectivement son point de vue. Ben Mick Schumacher, hein, pour en parler, il connaît très très bien Mick Schumacher, donc c'est un bon point pour Mick Schumacher que Binotto arrive chez Audi. Donc malheureusement pour Théo, tout aussi performant qu'il soit, tout aussi méritant d'un baquet en F1 qu'il soit, politiquement parlant, il n'y a rien qui justifie que Audi se tourne vers lui plutôt que sur un Mick Schumacher, par exemple. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que Mick Schumacher, ça pourrait avoir du sens, hein, de toute façon. Et alors, on va terminer avec la 10e équipe de cette émission, la Ferrari à la française, Alpine, qui... la Mercedes à la française. Alors oui, mais techniquement, Deméo nous a promis, il y a quasiment un an jour pour jour, hein, à deux semaines près, une Ferrari à la française, et moi j'ai envie d'y croire. J'ai envie de voir Alpine rayonner de la même manière que Ferrari, et... Bon, manifestement, ça n'arrivera pas, mais j'avais envie d'y croire. Alors, résultat en qualif, 19 et 20. Résultat en course, 19 et abandon. Est-ce que, au-delà de la news qu'on va aborder plus tard, qui est celle du la possible abandon du programme moteur F1, et possiblement, ça c'est moins drôle, de la fermeture de Viry à terme, puisqu'en fait, c'est bien ce qui est en jeu aujourd'hui. Est-ce que on n'est pas là sur le pire week-end de la saison d'Alpine? Avec une énorme erreur en Q1, Alors, où en fait, il y a la pluie, il y a une interruption de, après l'accident de Pérez, et quand, quand la séance repart, tout le monde ressort, sauf Gasly et Ocon à qui on dit « T'inquiète, ça passe ». Ça passe. Résultat, ça ne passe pas du tout. Et alors quand même, ça c'est fou, parce qu'à quel moment, quand une piste est évolutive comme elle était, tu n'en vois pas tes voitures en piste. Je veux dire, faut... Je suis vraiment, mais j'étais choqué de voir cette erreur dans ce timing-là avec ce que la piste faisait. Donc ça laissait qualification 19 et 20, les pilotes étaient très très peu contents. Et puis en course, Ocon n'avait pas de rythme, Gasly abandonne sur un problème de fiabilité, donc il y a vraiment zéro progrès chez Alpine, quoi. C'est catastrophique. Pourtant c'est pas Fama qui décide la stratégie en Q1, je veux dire, c'est les gens qui sont là, ils sont rodés, l'opérationnel, ils connaissent ce genre de situation, ils connaissent très très bien. Et ce choix, alors certes ils étaient pas si mal placés, je crois qu'ils étaient 10 et 12 tout dans le genre, donc ils ont dû se dire ouais, ça va, effectivement il commence à repleuvoir, ça je peux comprendre le raisonnement, mais jamais tu tentes quand même d'aller au bout de ton raisonnement. Tu te dis clairement, tant qu'on s'appuie pas pour de bon, tu y vas, et au pire ça pleut, tu rentres, si ça pleut pas, tu joues. Et c'est vraiment c'est une erreur digne de ce qu'avait fait Ferrari aussi une fois, hein. Ferrari aussi, ils étaient passés par là il y a quelques années, ils nous avaient aussi je sais pas si c'était d'ailleurs pas d'ailleurs en Hongrie aussi d'ailleurs. Je suis pas certain que c'était pas en Hongrie d'ailleurs. Donc c'est arrivé aussi. Voilà, et pareil, ils ressortent pas, ils se font sortir en Q1 ou en Q2, je crois, un truc dans le genre. Donc voilà, ça arrive même au meilleur. Mais Alpine, sérieusement, quand il n'y a rien qui va en termes de monoplace, foirez pas l'opérationnel comme ça. C'était désastreux. Donc Fama a présenté ses excuses. Bon, c'est le minimum à faire. Ouais, c'est clair. J'étais déçu, j'attendais une excuse de la part, enfin j'attendais une mauvaise foi de la part de Fama, j'étais un peu déçu qu'il abdique. Mais à part ça, je veux dire, il y a rien à dire, ouais, effectivement. Ocon, il est totalement frustré des performances de la bagnole. Il n'y a pas de nouveauté qui arrive, il n'y a pas de pièce qui arrive, il n'y a rien qui arrive. Clairement, je pense qu'il y a dû avoir un gros stop quelque part à Enstone, qui a été décidé peut-être par Briatore, peut-être même avant l'arrivée de Briatore. En se disant, on va tout changer. C'est là qu'on va arriver effectivement, du coup, à la suite des choses, parce que là, je pense que pour Alpine, vous l'avez bien compris, ça va pas être glorieux jusqu'à la fin de l'année, et ça va être tout misé sur 2026, avec effectivement, on en a déjà parlé il y a quelques grands prix, cette discussion entre Mercedes et Alpine qui a lieu, cette ouverture nette qui se fait pour 2026. Donc cette envie de Flavio Briatore de faire table rase du projet moteur Aviri, en prenant l'ensemble des pièces Mercedes qui est possible. Et quand on voit qu'il y a des pièces Renault qui cassent comme la boîte de vitesse, encore une fois, n'est-ce pas donner raison au management d'Alpine que de vouloir effectivement se passer des pièces conçues à Enstone, du côté de la boîte de vitesse. La suspension, donc autant effectivement partir sur des pièces, des pièces qui sont connues, qui sont fiables, que McLaren utilise dans ses voitures et qui gagne, un moteur qui gagne, donc voilà, donc ça ce serait pour 2026. Pour oublier que le moteur qu'il cherche à avoir, c'est celui qui vient gagner les trois dernières courses, hein, donc. C'est ça. Alors pour 2026, ah oui. C'est à peu près sûr. Il y a une rumeur comme quoi on évoquerait aussi peut-être déjà dès 2025. Alors on rappelle que pour 2025, théoriquement, c'est pas impossible, mais ça, parce qu'en fait, tous les moteurs, il faut savoir que tous les moteurs de F1 ont strictement les mêmes points d'ancrage dans un châssis, parce que ça a été normalisé par la FIA, donc vous pouvez très facilement intégrer un moteur à un autre châssis, sauf, après, ce qui change, effectivement, c'est la partie refroidissement. Refroidissement, échappement, tout ça, effectivement, qui est très spécifique à chaque moteur. Et là, il y a un peu plus de boulot à revoir en termes de ponton, en termes de refroidissement, en termes de place et tout ça. Mais boulonner un moteur Mercedes à la place du moteur Alpine, Renault, dans un châssis actuel, c'est tout à fait possible. Vous le boulonnerez sans aucun problème. C'est prévu pour. Après, derrière, la carrosserie ne rentrera pas. Ou alors, il y aura trop d'espace à certains endroits, il manquera d'espace à d'autres. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a encore le temps? Est-ce qu'il y a surtout l'envie de jeter la monoplace 2025 telle qu'elle devait être plus ou moins l'évolution de la 2024 à la poubelle, et du coup arrêter déjà les frais dès maintenant. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que arrêter Viri dès maintenant, ça compense les coûts d'achat d'un moteur Mercedes et de refonte du châssis pour 2025. Refaire un châssis maintenant pour 2025, ça va tellement divertir le travail sur 2026. Enfin, on sait tous que faire une carte, une feuille blanche. Un châssis, un ponton, oui, oui. Ponton fond plat, capot moteur, c'est surtout ça qui est impacté. Il y a quand même des points d'ancrage et tout. Les moteurs sont pas. Enfin, il y a tout à revoir parce qu'au-delà de l'intégration, il y a tout ce qui est points d'ancrage et tout qui peut des fois changer quand même drastiquement l'emplacement des autres organes vitaux de la voiture. Quoi. Ah oui, ça, je suis d'accord. Par contre, si tu prends le moteur V6, tu le boulonnes derrière la partie verticale du châssis, ça se boulonne parce que les oui. 6 ou 7 points d'ancrage qu'il y a, ce sont des dimensions standards. Donc tu peux assembler. Mais c'est après pour tout ce qui va être. C'est tout ce qui est autour, effectivement. Position de la partie électrique, position des radiateurs et tout ça, c'est quand même très différent. Et partir, alors ce ne serait pas une feuille blanche, mais partir d'une feuille un peu blanche, une dernière année de réglementation, ça n'a jamais réussi en Formule 1. Ça n'a jamais été un succès. Donc moi, je pense. Alors après, on va savoir rapidement, puisque de toute façon, Alpine doit ramener une évolution costaud normalement à Zandvoort. Donc on devrait avoir quelque chose de très différent. En tout cas, il faut espérer pour eux, parce que sinon, ça veut dire que ça peut être le cas. Mais il faut espérer pour eux que la 524, qui normalement a quand même encore pas mal de kilos à perdre, est censée pouvoir être un peu plus exploitable de manière un peu plus légère et tout ça, est-ce que ce serait quand même pas la meilleure solution, quoi ? Enfin, tu vois, après, de toute façon, ils sont partis pour... Ils sont partis pour manger leur pain noir pendant un an et demi encore. Et je pense que Pierre Gasly a un petit peu des sueurs froides à l'idée d'avoir re-signé avec cette équipe. Mais, si tu veux faire revenir un Carlos Sainz, il faut faire quelque chose pour 2025. Tu ne peux pas lui dire viens, c'est une année pourrie, il ne se passera rien. il faut signer un pilote comme Nico Hülkenberg, parce que lui, il a signé chez Audi en ayant zéro garantie et il est parti pour une saison de merde. Donc ça peut arriver. Ouais, mais Nico Hülkenberg, il s'attendait peut-être pas à ce que ACF1 fasse un tel redressement aussi. C'est vrai. Ça, c'est clair qu'il a peut-être signé peut-être un peu trop tôt chez Audi. Mais bon, c'est pas faux. On va pas lui en vouloir. Il attend depuis tellement longtemps d'être un constructeur. Donc. Oui, non, ça c'est sûr. Après, Rotter nous dit, Brand GP, ça n'a pas posé que peu de problèmes de changer le moteur encore plus à l'arrache. C'était différent. C'était le début d'une réglementation Brand GP. Donc on est reparti. La voiture était en pleine conception et tout ça, et c'était un gros changement sur le long terme aussi. Donc c'était pas un problème. Ils ont changé de moteur sur la première année d'une réglementation. Ils n'ont pas changé de moteur sur la dernière année d'une réglementation. La dernière année, c'était Honda, et l'année a été totalement sacrifiée pour préparer la voiture. Et la voiture était tellement bien conçue qu'ils ont pu la lui faire perdre un peu de performance en changeant de moteur et donc en compromettant un peu son aéro, tout en gardant le fait qu'elle avait quand même deux fois plus de points d'appui que les autres bagnoles de l'époque. Mais parce qu'ils avaient fait un travail de base qui était absolument totalement dingue, au point qu'ils étaient, on se rappelle, Brand GP, ils ne croyaient même pas les points qu'ils voyaient en simulation, tellement ils ne pensaient pas que c'était possible. On leur avait dit, ces voitures-là auront 50% des points d'appui des voitures précédentes, et eux, ils n'étaient pas du tout dans ces calculs-là, et alors que toutes les autres équipes étaient dans ces calculs-là. Et donc forcément, ils ont pu aussi resserrer un peu, changer un peu les choses et tout ça, et perdre un peu de performance pour intégrer un moteur qui, de toute façon, était très bon. Et encore une fois, c'était pour un début de réglementation. Là, on parle de devoir revoir une voiture intégralement pour 2025, sur une année, donc il faudra quand même la développer un peu, parce qu'il y aura quand même des choses à corriger, tout en ayant un programme 2026 sur lequel tout le monde sera focalisé. Donc, c'est ça qui est compliqué. Après, je veux dire, la question, elle est vite répondue. Je pense que si Alpine signe avec Mercedes pour 2026, ça veut donc dire clairement le moteur 2026, du coup, le projet, on l'arrête. Ils vont dire, OK, vous avez signé pour 2026, maintenant 2025. On a signé avec vous, envoyez-nous les plans, du coup, puisque voilà, nous, on va arrêter. Envoyez-nous les plans de votre moteur actuel, de son intégration, du refroidissement, de ce qui est nécessaire. Si ça peut rentrer sous notre carrosserie, sous notre fond plat, banco, si on n'a pas tant de modifications à faire que ça, on le fait aussi et on arrête Viry un an avant. Et c'est autant de dizaines de millions d'euros qui sont aussi économisés. Alors certes, pour le budget de cap, question Enstone, c'est pas top parce que du coup, on passe plus de temps à développer une nouvelle partie arrière et aéro qui a pour de refroidissement pour cette voiture-là. Mais avec un moteur Mercedes qui fait 30 à 40 chevaux de plus, est-ce que le jour n'en vaut pas la chandelle ? Donc ça, c'est à mon avis, je pense que apprendre à travailler avec Mercedes, apprendre à travailler avec la boîte de vitesse Mercedes, apprendre à travailler, à mettre les synergies en place avant 2026 avec Mercedes, si c'est pas trop compliqué d'intégrer un moteur Mercedes à la place du moteur Renault, parce que J'imagine, pour X raison, que ce moteur est quand même peut-être mieux étudié en termes de refroidissement. Il est peut-être encore plus compact. On a quand même vu que la Mercedes, c'était quand même une technologie zéro ponton, quasiment. Donc, ça prend quand même très peu de place en termes de refroidissement. Donc, moi, je dis qu'il y a quand même peut-être une possibilité d'étudier. À mon avis, ça doit se faire OK. On vous donne les plans du moteur 2025 pour voir si vous pouvez le faire. Uniquement quand vous aurez dit banco pour 2026. Du coup, vous arrêtez votre programme moteur. Et à ce moment-là, OK, on vous file les plans de notre moteur. Voyez si vous pouvez la faire rentrer dans votre voiture 2025. Et on avise à ce moment-là. Je pense que ça va se jouer comme ça. Ouais, c'est probable. Est-ce que Mercedes n'est pas déjà au max autorisé en nombre de clients ? Il n'y a pas de max. Non, il n'y a plus de max depuis... Il n'y a pas de maximum. Non. C'est juste un minimum. Voilà, c'est au et cas de où toute façon, en 2026, ils perdront Honda. Donc, ils peuvent faire une dérogation sur un an. Enfin, ils perdront Aston Martin, pardon, qui ira chez Honda. Donc, ils peuvent faire une dérogation pour un an si c'est vraiment 2025 qu'ils veulent. Non, de toute façon, là, je pense que, soyons clairs, à mon avis, le projet Viry, il est... Je suis désolé pour les gens de Viry, hein, d'ailleurs. Mais... Alors, après, ils parlent effectivement de le reformater pour technologie hydrogène, pour d'autres séries, pour la Formule E, pour ce genre de choses. Parce qu'il y a quand même eu un gros investissement qui a été fait à Viry. Il y a des bâtiments nouveaux qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Il y a des bancs qui ont été changés. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites. On va pas fermer ça et laisser Viry prendre la poussière. Il se passera forcément quelque chose là-dedans. Donc, nouvelle technologie de propulsion pour Renault. Enfin, il y a des choses à faire à Viry, clairement. Mais peut-être plus en sport automobile. Mais le problème, c'est que tout ce qui est nouvelle technologie automobile, c'est déjà prévu dans les usines dans le Nord, puisqu'ils ont un énorme pôle d'usines de technologie automobile. Donc, moi, j'ai peur que Viry ferme, parce que, en fait, le programme Formule E de Nissan y est actuellement développé. Hardware et software, le programme, il y a des programmes de compétition client, voilà, qui sont pas énormes chez Renault, et potentiellement il y a le projet Alpenglow qui est leur futur moteur à hydrogène thermique, qui lui serait développé sur une base de moteur existant et donc serait fait à Viry. Mais c'est pas avec ça que tu fais bosser les gens qui bossaient sur le programme F1 en fait. Donc moi c'est un peu inquiétant pour moi parce que à terme, je pense qu'ils vont pas recaser tout le monde. Donc soit ils vont fermer, ils vont vendre une partie des infrastructures et garder un tout petit pôle moteur qui sera anecdotique à l'échelle du sport auto, soit carrément tout fermer. Et c'est triste de voir Viry comme ça. Mais je pense que clairement, Demeo, Famin et Briator seront les fossoyeurs de la partie sportive de Renault, quoi, y compris d'Alpine. Je pense que malheureusement, ils n'ont pas montré non plus qu'ils méritaient d'être sauvé plus que ça. C'est malheureux à dire aussi, hein, mais... Après, on leur a jamais accordé... Enfin, je pense qu'on leur a jamais accordé les budgets qu'on a accordés aux autres. Je pense qu'il y a aussi des moyens qui n'ont pas été mis au moment où les autres constructeurs mettaient beaucoup de moyens. Budget, stabilité, virer à Bitbull, voilà les grosses erreurs. La plus grosse erreur, c'était Rossi. Clairement. C'est là que le projet est parti en vrille totale. Absolument. Je suis totalement d'accord. Virer à Bitbull a été la première erreur et virer Zaffnauer a été la deuxième et le dernier coup sur le cercueil ça a été dans le dernier coup sur le cercueil ça a été Briator, mais l'avant-dernier ça a été Laurent Rossi quoi qui a fait n'importe quoi. Alpine sauvé par Andretti, malheureusement les portières, si Andretti arrive dans l'équation, c'est pas pour les sauver, c'est pour les racheter. Donc et l'équipe n'a pas besoin d'être sauvée en tant que telle parce que c'est une structure de Formule 1 qui est florissante comme toutes les structures de Formule 1, donc elle est pas en danger. Ce qui est en danger, c'est la partie moteur de Viry, et ça de toute façon a priori c'est condamné, le programme moteur est condamné quoi qu'il arrive. Donc malheureusement Alpine, c'est toute la stratégie sportive de Renault en termes de finition pour les voitures Renault, en termes d'électrique sportive maintenant pour la gamme Alpine. Donc voilà. Et le fait finalement de se faire équiper par un moteur Mercedes hybride ne sera pas dérangeant pour eux, puisque toutes les futures Alpines qui arrivent sont des voitures électriques. Donc c'est pas plus dérangeant pour eux qu'il n'y ait plus de moteur Renault entre guillemets à combustion thermique derrière les Alpines. Puisque de toute façon les vraies Alpines de route, celle qui sont affichées en tant que marque Alpine et que vous achèterez comme l'Alpine A290, c'est-à-dire la sorte de petite R5 Alpine toute mignonne, toute sympathique, elle sera seulement électrique. Donc il y a un moteur Mercedes derrière le châssis de F1, c'est franchement pas dérangeant en termes d'image pour eux, quoi. Et puis de toute façon ce serait une Renault cette voiture là parce qu'en fait c'est juste une R5 rebadgée. De toute façon la Formule 1 est tellement florissante qu'on peut tout voir, on voit des Alpine Mercedes, on voit des Aston Martin Honda, on voit tout ce qui est possible de faire Voilà, seule chose qu'on verra pas, c'est une McLaren Ferrari parce qu'il y a trop de, il y a trop d'histoires, mais sinon le reste. Ouais, ou une Ferrari Mercedes. Ou... Non, mais c'est vrai que sinon. Ah oui, après il y a Toyota aussi, mais Toyota pour l'instant, vu que Haas a prolongé, ça on l'a pas dit, mais Haas a prolongé jusqu'en 2028 avec Ferrari. J'ai du mal à croire que Toyota vienne faire autre chose que du naming, et je suis pas sûr qu'avoir une équipe qui s'appelle Haas Toyota Ferrari. Non, soit une meilleure idée qu'avoir Sauber, BMW, Ferrari dans les années 2010. Enfin, 2010. Naming, collaboration technique aussi sur soufflerie, sur production de pièces, effectivement, peut-être en complément ou en remplacement de Dallara. Enfin, il y a pas mal de choses qui. Ça reste des rumeurs, hein, de façon, tout ça. Mais bon, il y aura quand même une petite partie technique aussi, parce que pour que Toyota mette son nom ou son grain de sel là-dedans, il faut quand même qu'il y ait une plus-value certaine, et en tout cas, une justification technique. Voilà, maintenant, Toyota en tant que motoriste, non, clairement, c'est pas du tout prévu. D'après Febro, c'est le châssis Toyota à la place de Dallara, mais Dallara, ils sont juste constructeurs de châssis, c'est juste... Concepteur et constructeur. Ouais, j'ai du mal à voir que Toyota fait vraiment... Bref, on verra, mais j'y crois pas trop. Voilà, bah écoutez, en tout cas, c'était à peu près ce qu'on pouvait dire sur cette folle semaine, ces 5 jours un peu fous qu'on a eu entre les annonces et puis ce Grand Prix de Hongrie qui était quand même assez agité. La F1 ne s'arrête pas, puisque la F1 ne s'arrête jamais, et on se retrouvera ce week-end pour le Grand Prix de Belgique, 5e course en 6 semaines, dernière course avant la pause estivale, un Grand Prix qui sera probablement perturbé par la pluie, et je le dis sans avoir vu les prévisions, mais c'est Spa-Francorchamps, donc je ne prends pas trop de risques. On aura un week-end de format classique, ce sera la 14e... Est-ce qu'il y aura des live F1 Manager sur cette chaîne ? J'ai eu F1 Manager hier, le code, j'ai pas encore fait. Et si ça vous dit, on peut le faire. Hein, ça peut être quelque chose qui peut se faire dans la semaine prochaine. Là, avance pas, ça risque d'être compliqué. Mais la semaine prochaine, même si le jeu sera un peu sorti depuis un moment, on peut peut-être en faire un ou deux. Si ça vous tente. En tout cas, voilà, c'est vrai que. Voilà, on va déjà se retrouver pour le Grand Prix de Belgique ce week-end. Donc, des essais, même format horaire que ce week-end en Hongrie. Exactement les mêmes horaires et puis les prédictions voilà parce que j'ai ah pas oui pu dire on n'a pas fait les prédictions la dernière fois tu avais dit Piastri mais hors antenne j'avais dit Piastri hors antenne et j'étais vraiment dégoûté que ça soit pas après Hamilton à Silverstone non mais je peux témoigner que c'était ta prédiction et je peux jouer l'huissier et valider ta prédiction alors moi je vais dire Lando Norris ah je reste eh ben, écoute c'est assez compliqué c'est pas je t'avoue que c'est vachement compliqué ouais oh là là Verstappen parce qu'il a envie de gagner mais j'ai pas envie que ce soit j'ai pas envie que ce soit Verstappen non plus ah c'est compliqué allez Russell tiens voilà une Russell à la régulière à Spa pas mal pourquoi pas ok moi j'ai dit Norris tu dis Russell et ben très bien on verra ça va être ça promet je suis pas sûr que ouais Red Bull j'ai du mal à y croire parce qu'en plus c'est possible qu'il fasse prendre les pénalités à Verstappen sur un circuit il aura quand même de quoi dépasser donc ça va être un peu plus possiblement un week-end un peu difficile pour eux on a du Sainz dans le chat Bottas. Bottas oui j'aimerais bah après ça dépend hein. Peut-être que si peut-être qu'ils vont mettre en place une grille inversée dont on n'a pas encore la connaissance une grille inversée plus seulement 3 minutes de course c'est ça format 2021 mais après si tu veux tu peux parier dessus la cote doit être assez élevée hein, pour une victoire de alors on a ah, du oui. Joe du Hadjar du Lewis si tu mets 10 euros sur Bottas je pense que tu finis millionnaire hein, tu dis... c'est clair c'est troll pourquoi pas hein. Brad Pitt dit Calabrese bah écoute peut-être ça je n'y crois pas trop merci à toutes et tous en tout cas de nous avoir suivis d'avoir participé dans le chat comme d'habitude n'hésitez toujours pas à nous soutenir à vous abonner à suivre la chaîne effectivement si ça vous c'est quelque chose qui vous dit j'en reparlerai sur Twitter mais on pourra dans ce cas-là faire des un ou deux lives au moins pour découvrir ensemble F1 Manager et pourquoi pas finalement amener nous-mêmes Andretti en Formule 1 hein, parce que après tout ça peut aussi servir à ça vu qu'il y a un nouveau mode qui consiste à créer une 11e équipe puisqu'apparemment c'est autorisé sur les jeux vidéo en tout cas merci tout le monde de nous avoir suivis merci Franck d'avoir été là ce soir pour parler de ce Grand Prix. Merci à tout le monde. Et puis c'est bien sympathique. Bah oui, carrément. On se retrouve mardi prochain à 20h30, même heure, même endroit, pour débriefer ensemble le Grand Prix de Belgique avant une pause de 4 semaines. Et on vous souhaite un bon week-end à tous et une bonne fin de semaine. Ciao. Ciao.